Ce 22e épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Maxime Tremblay, Nicolas Chalifou et Gabriel Dubé. Merci pour vos dons, les boys. Es-tu content de ta bière blonde, ouais, Bruno? Colin, c'est une bonne. J'achète de la blonde juste pour toi idée. En passant. Hein, pour vrai? Ouais. Ah, ben ouais. Fait que toi, t'aimes pas la blonde, toi, c'est juste la noire ou la. Plus que je vieillis, plus j'aime ça foncé. Je pense que quand je vais avoir 60 ans, je vais boire du goudron. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 29 de Rétro Nouveau. On sait pas pourquoi on est cran en soir. On a le fou rire aujourd'hui, c'est la fatigue, c'est le changement d'heure sûrement. Ouais. Je sais pas trop. Là. Ouais. Peut-être qu'il y a comme des vapeurs dans mon local des autres compagnies auto ben qui font du crack, du crystal meth dans la production industrielle, je sais pas. Moi, d'après moi, c'est ça, c'est un épisode sous influence. Ouais, mais on est de bonne humeur. Bon, fait que, garde, on est dans le fond, on n'a pratiquement rien à annoncer en intro. Non, on a eu des semaines spécial. Tellement occupées, toi puis moi. Ouais. Je voudrais juste m'excuser auprès de Brian, par exemple, parce que dans le descriptif de iTunes, c'est écrit Brian Lafont. À vrai dire, c'est toi qui s'excuses, mais c'est moi qui ai fait ta faute. Ouais, c'est toi qui l'as upload. Je m'excuse en notre nom. Ouais. Puis c'est Brian Lajoie. Mais là, tu as essayé de faire la correction, puis iTunes ne veut pas le prendre. Mais là, je pense que c'est revenu. Ah, c'est revenu? Oui, j'ai ré-uploadé la description hier soir. Je pense que c'est revenu. OK. Mais bon, si jamais c'est pas fait, Brian, on s'excuse, malgré le fait qu'on dit quand même souvent son nom c'est sûr, dans les descriptifs partout ailleurs, mais sur iTunes, c'était pas correct. Donc, Brian Lajoie. Brian Lajoie, on a eu du fun avec toi. Merci, merci d'être passé à l'émission. Nous autres, on a eu plein de bons commentaires par rapport à ton passage. Fait que c'est super le fun. Fait qu'on va commencer avec les jeux auxquels on a joué cette semaine. Oui. Tu pars-tu du moins? Ah. OK, je vais partir ça. Je vais partir ça. Moi, ce soir, j'ai fait la critique de Tekken 3D Prime Edition à M. Net. 3DS, ça, hein? 3DS, monsieur. Ouais. Toi qui disais justement, Vito. Ouais. Ben là, j'ai retouché à ma 3DS parce que je critiquais un jeu. Mm-hmm. Mais c'est un jeu de merde. c'est un jeu de merde pour vrai. Ah, j'ai essayé, moi, à l'événement Nintendo dans la neige. Ben, tu sais, c'est ça. Je trouvais que c'était la même affaire que les autres. Mais c'est ça, c'est que c'est pas un jeu de merde. C'est comme un jeu de merde, mais il y a comme un. À l'intérieur de la merde se cache. Un joli parfum enivrant. Ok. Tu sais, je sais pas, il y a comme quelque chose. Il y a Mais je de quoi? Dire ça. C'est un diamant. Dans marde. Enseveli de marde. Mais de quoi est consisté cet enrobage de. En quoi consiste l'enrobage de marde en question? C'est que. Quelle est cette enveloppe nauséabonde? Ben, l'enveloppe nauséabonde, c'est que dans Tekken, ce qui est le fun d'habitude, c'est que tu peux personnaliser tes personnages. Oui. Là, changer les sauts, là, tu vois. Changer les sauts. Mais aussi changer l'apparence, tout ça. Tu peux créer ton propre personnage, c'est super le fun. C'est quelque chose qu'ils ont mis dans les derniers Tekken, y compris ça, le courant. Tekken sur PSP, Tekken 6, qui est excellent. Puis là, dans Tekken 3D, tu peux pas faire ça. Okay. Tout ce qu'on t'offre, c'est de choisir un des deux costumes que tu peux pas voir au préalable, puis ça va te donner ça dedans. Tekken a toujours été reconnu comme étant un excellent jeu en ligne qui est rempli de compétition. Ouais. Le jeu en ligne de Tekken 3D est bourré de lag, puis je suis même pas arrivé à faire une partie qui avait de l'allure. Ah ouais. En plus, en ligne, on te donne souvent un ranking ou quelque chose qui fait que quand tu vas jouer contre une autre personne, ben, tu sais que ça va être une personne de ton niveau. Là-dedans, ce qui arrive, c'est que oui, ils vont te jumeler avec des gens de ton niveau, sauf que dans Tekken 3D, tu peux programmer des touches sur l'écran tactile pour pouvoir faire des mouvements tout de suite, des combos automatiques. Ouais, ça, j'avais... C'est cool! C'est super le fun pour les newbies. Puis, ou pour les lâches, là. C'est ça. Sauf que... Apprendre. En même temps, quand tu joues contre quelqu'un, il n'y a aucun moyen de savoir si tu utilises ces touches-là ou si tu les utilises pas. Mm-hmm. Fait que des fois, il y a des newbies qui vont jouer contre des hardcore puis qui vont gagner. Puis c'est pas juste, ben franchement. Ouais. Ça n'a pas de sens. Fait que ça marche pas. En plus de ça, normalement, dans Tekken, il y a un mode histoire qui est quand même assez bon. Ouais, pas de mode fun, histoire hein? dans celui-là. Okay. En plus de ça, normalement, il y a énormément de modes. Puis dans celui-là, tu as un mode qui est un mode survie. Ouais. Dans le mode survie, tu fais 5 matchs avec une jauge de vie, puis tu bats. Après ça, tu fais 10 matchs avec une jauge de vie. C'est super plate. OK. Mais le mode original, le mode de combat un contre l'autre, ouais, hors ligne, là, vraiment, là, mm-hmm, ça marche. C'est solide, les contrôles vont bien, ça répond super bien, l'effet 3D est bon. Fait que ça, la base du jeu, les contrôles, le gameplay, c'est solide. Okay. Mais tout ce qu'il y a autour, même les tableaux, le design, ouais, des niveaux est poche, il n'y a rien. C'est comme si c'était une espèce de texture mappée dans un cylindre, puis c'est tout. Il n'y a, ah ouais, rien, il n'y a pas d'animation comme... dans le fond, rien. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est comme deux bonhommes cheap, tout seuls dans un cylindre décoré. Oui. C'est vraiment, okay, juste ça. Fait que, tu sais, c'est super, ouais, dommage. Il n'y a rien dans ce jeu-là, puis il coûte 40$. T'sais. On peut-tu prendre pas mal de personnages? Si oui, il y a 40 là? Personnages. 40? Fait que, c'est bon, c'est le même bon, rooster là, qu'il y avait dans Tekken 6 ou dans Tekken 6 sur PSP. Ouais. Fait que ça, c'est super bon. Sauf que là, je me dis, garde, sur 3DS, tu as déjà Street Fighter 4, qui, mm-hmm, est de la méga bombe. Ouais. Puis tu as Dead or Alive Dimensions, qui est aussi très bon. OK. Fait que pourquoi dépenser 40$ sur un jeu comme Tekken 3D alors que les deux autres sont robustes dans toutes, ouais, les choses que Tekken n'est pas capable de faire? Eux autres sont capables de faire. Puis il y a aussi Tekken X Street Fighter qui s'en vient, qui va être, d'après moi, très bon. Ouais. En tout cas. Il y a de l'eau partout. Comment ça qu'ils mettent de l'eau partout dans les previews, dans les trailers, là, tu sais, dans le artwork, il y a comme, tout le monde est comme dans l'eau, là. Ah. Tout le monde a comme des... On dirait qu'ils se liquéfient. Ben, c'est comme de l'encre, là. Ben, je sais pas ce que... Ben là, toi, ouais, mais on ça, va c'est... dire que c'est de l'encre, là, c'est parce du... qu'à chaque fois que moi, je vois quelque chose, c'est pas la réalité, parce que la semaine passée, tout le monde a tweeté que c'était une crise de hache dans Mario Bros. Oui, yes! Je suis bien satisfait. J'ai gagné. C'est pas vrai que j'ai mon enfant, gagné. C'était fucké. Mais en tout cas, donc, c'est ça, les personnages sont tous comme liquides un peu, là. Là oui, mais ça, c'est un choix de direction artistique, Dom. Ouais. Toi qui es graphiste, je pensais que t'aurais... Ben, c'est quoi le but? À moi... Ben non, c'est juste beau. C'est juste que c'est beau. C'est pas... Ouais. Mais tu sais, quand Street Fighter... Une minute, là. Quand faut pas que tu sois trop puriste, là. C'est sûr que c'est plus la même chose. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est quand Street Fighter 4 est sorti, oui, ils ont donné une veine à Street Fighter, une direction artistique, justement, oui, à Street Fighter, que tout est comme des slashes de pinceaux, oui, tu sais, oui, un peu. Tout est... Mais là, de l'eau, tu sais, du liquide... Ben, il m'a dit, quand, j'ai trailer, pas quand vu ça beaucoup. Punch, ça se liquéfie, tu sais. On dirait que ça veut dire quelque chose. On dirait que c'est un statement, tu sais. On dirait que ça annonce de quoi. On dirait qu'il va y avoir de l'eau dans le jeu, là. En tout cas, moi, en tout cas, c'était une décision artistique. Je sais pas, peut-être que c'est sponsorisé par Mountain Dew ou quelque chose du genre. C'est Quench Your Thirst ou quelque chose du genre. Je sais pas, mais en tout cas, Tekken 3D, achetez pas ça. Un joyau rempli de marde, mais de la marde pareil. Mais attends, le joyau, c'est quoi finalement? Le joyau, c'est le gameplay. Le gameplay à un, pour combattre contre un autre sur la 3DS, ça fonctionne canon. Et aussi en passant, il y a un film, il y a Blood Vengeance là-dedans, qui est un bon film, je l'ai écouté. Okay. Par contre, le module pour jouer le vidéo, c'est de la merde. Tu peux pas reculer vraiment le film. Si, admettons, t'es dans l'autobus et que t'arrêtes le film au milieu puis que tu veux revenir à la place où t'étais, mm-hmm, ben, tu peux pas. Tu recommences au début. Fait que ça, je trouve ça moyen. Ouais, ils ont mis le film, mais ils ont juste mis le fichier. Ils ont fait comme garde et ils ont un film, là, bla bla, ouais, bla, ils vont avoir du fun, ils vont avoir plein la vue, cool. Le film est en 3D. Ah. Oui, le film est en 3D, mais là, quand même, ça aurait été le fun d'avoir un petit peu plus d'options. Ouais, c'est ça aurait pas été dur de mettre des chapitres, tu sais. Ben oui, il y a pas de chapitres. Juste comme sacré là, de même. Ah oui, c'est vraiment juste sacré là. Puis il y a Tekken Hybrid aussi qui est sorti sur toutes les consoles next-gen. Mm-hmm. Ben les deux consoles next-gen. Ouais. Puis c'est le même principe, là. Okay. Ils ont mis le film, puis ils ont mis un Tekken Tag Tournament dont tout le monde se fout éperdument. Ouais. Fait que c'est comme une espèce de cash rapide avant la sortie de Tekken X Street Fighter, d'après moi. Là. Ouais. Que, en tout cas, achetez jamais ça. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est qui ton personnage? Moi, c'est Wang. Wang? Qui est un espèce de petit vieux qui fait du. Qui est un peu à la Drunken Master, un petit peu. Là. Hein? Wang. Ben, ah non, je me mêle avec Ha Rang. OK. Wang, c'est un petit vieux avec la barbe blanche, puis il se promène un petit peu tout croche. Ouais, cool. Mais il y en a dedans, tabarnouche, il est vraiment violent. Il y a lui, puis il y a Evil Jin, qui est dans le fond Jin, mais avec les ailes. Je trouve tellement badass que je l'utilise souvent. Ouais. Puis il y a aussi une autre fille, mais il y a tellement de filles dans Tekken, puis ils ont tellement toutes l'air pareilles que je me souviens plus de son nom. Mais les filles dans Tekken sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Là. C'est quoi la petite, là? Xiao Lu? Tu me dirais le nom, puis je m'en souviens même pas. C'est un des problèmes de Tekken. Je trouve que Tekken, c'est un jeu qui n'a pas de personnalité. Là. C'est vraiment les hardcore fans. J'aime ça, moi, trip, Tekken, là. Par exemple. Même que je suis assez killer à Tekken, plus qu'à Street Fighter, parce que je trouve que les combos, ils se font mieux. Ben, c'est plus facile de faire des combos. Moi, genre faire deux fireballs, tu sais, puis des méga combinaisons. Il ben, y en a des combinaisons, justement, dans Tekken, mais en tout cas, on se pognera en tremblant. Ah oui. Amène-les ton Wang. Je vais prendre Brian. Brian Fury. Ben, on le fera en tremblant d'ailleurs. C'est Tekken 6. Moi, je l'ai. Ouais. Puis, on le fera. N'importe quand. Hein. Cool. Bon, ben, moi, je vais enchaîner aussi avec un jeu de 3DS, mais un jeu que tu n'as pas joué parce que la Vita pas est par sortie. Choix. Vraiment, parce que c'est un jeu qui m'intéresse. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Dylan's Rolling Western. Oui. Un jeu qui semble être fait par Nintendo. C'est écrit Nintendo en bas. Oui, c'est publié par Nintendo, c'est un original. Ouais, hein? C'est pour ça qu'ils l'ont pushé de même. Ah oui, vraiment. Donc, en gros, l'histoire, t'es un tatou. Mm-hmm. C'est le même qu'on appelle ça, genre. Puis, ça se passe dans le Far West. Oui. Il y a plusieurs stages. Chaque stage est constitué d'un village qu'il faut que tu protèges contre des Groks. Ça, c'est comme des roches. Des Groks. Ah, des roches, OK. C'est des roches qui marchent et qui se dirigent vers le village. Ah. Ton village est plein de cochons, genre, j'ai oublié le nom, là, ça a un petit nom. En tout cas, tu as des cochons, puis quand les Groks ils rentrent dans le village, ils mangent des cochons. Okay. Fait qu'il faut pas qu'il y ait des Groks qui rentrent pour manger tous tes cochons. Quand tous tes cochons sont mangés, c'est terminé. Alors, toi, tu as toute la journée pour rouler. Ben, le tatou, lui, il se met en boule, Dylan, il se met en boule, puis il roule dans le désert. Puis là, tu vas ramasser des genres de fleurs qui donnent. Les moutons, voyons, les cochons mangent ça, dans le fond. Okay. Fait que là, tu accumules ces choses-là pour te donner plus de cochons quand tu retournes au village. Tu rentres dans des mines pour pogner des gems, des ores. Okay. Puis tu trouves des portes aussi que tu peux ouvrir, des genres de portes de temple dans lesquelles il y a des trésors. Mais c'est souvent juste des diamants, justement, puis des affaires de même. Donc, tu te promènes, tu ramasses tout ça, puis là, tu retournes vendre ça au village. Pour avoir pour du cash. Le cash est très important dans ce jeu-là. Okay. Tu as besoin d'argent. Tu vends tous tes diamants et tout. Puis tu construis des barricades, des portes de chaque côté pour empêcher les Groks de rentrer. Puis, tu as des tower guns, des tours de que tu équipes. Un peu partout sur le chemin, sur la map, il y a des tours d'observation et des tours de fusil que tu leur mets soit un shotgun, un gatling gun ou bien un canon. Ce qui fait que quand c'est le soir et que les Groks ils sortent de leur tanière pour se diriger vers le village, ben là, ça les gonne, tu sais, au passage. Okay. Donc, c'est un tower defense, mais avec l'action. Un tower defense avec l'action, c'est donc bien bizarre. Parce que c'est ça, t'en parles depuis tantôt, je suis comme, j'ai un peu de misère à comprendre. Et t'as l'air d'avoir beaucoup de gestion à faire. T'as beaucoup de gestion, en fait. C'est un jeu d'action seulement quand les Groks ils sortent de leur trou pour venir attaquer ton village. Mais pendant le jour, t'as beaucoup de gestion à faire. Ramasser tous les trucs pour avoir plus de cochons, ramasser tous les diamants, fermer les portes, aller dynamiter des places, tu sais. Et puis, il faut tout que tu fasses ça dans le jour avant que le soir arrive. OK. Puis, quand le soir arrive, là, le village est fermé, tout est fermé, tu peux plus rien faire. Mais tu peux continuer de comme équiper tes tours là, avec une cache si t'en restes, mais il n'en reste jamais. Fait que là, les Groks attaquent, tu les vois sur ta map. Puis, c'est ça. Donc, tes guns, tes tower guns, ils en tuent, mais ils ne tuent pas tout. Fait que toi-même, tu interviens direct, tu leur rentres dedans. Puis là, ça vient dans un petit stage où est-ce que là, tu en as 5-6. Là, tes attaques là, avec ton stylet. Donc, Dylan, lui, il peut rouler et faire un grind attack. Comme il spin sur lui-même, ça grind là, les ennemis. Ou des combos, genre que tu tapes avec ton stylet sur l'écran au bon moment, puis il slash dans les airs. Slash. Fait que ça joue avec le stylet. Là, ça joue complètement avec le stylet et avec l'analogue. Puis, comme Kid Icarus, ça m'a fait une pratique, tu sais. Vraiment, là, ça joue complètement avec ça. J'ai trouvé ça correct, tu sais. J'ai pas souffert d'un mal de bras, je suis pas parti en dépression, là, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs villages, je suis rendu au 5e. Okay. Je pensais déjà avoir fait le tour, j'ai genre 7 heures de jeu de fête. J'ai comme l'impression qu'il y en a encore 2-3 villages. Là, 7 heures? Il y a beaucoup de jeux. Mais c'est, tu sais, c'est pas mal toujours... Sensiblement tout le temps la même affaire, tout le temps la même affaire. Mais à chaque nouveau village, c'est plus dur. La map est plus compliquée. Il rajoute de l'eau. Il y a des nouveaux Grocs aussi. Il y en a qui arrivent sur des genres de petits buggés, là, fait qu'ils vont super vite. Il y en a d'autres, c'en est un gros, gros Grok qui sort. Puis lui, t'as une minute pour aller le voir puis le péter, parce que sinon, lui, il tire des boulets de canon puis il détruit toutes tes tower guns puis tes towers partout. Là. C'est la 4, c'est la mort, mon gars. Là. Ouais. Ça sort, t'es comme « Ah, shit! » t'sais. Là, pendant que tu vas le battre, tu quittes le village, t'sais, où t'es comme... Fait que les autres Grok, ils se dirigent vers ton village, là, t'es stressé, t'sais. Ouais. Fait qu'au final, t'es comme... T'es pas mal nerveux là, quand les Grocs attaquent, là, parce que ça attaque de tous les côtés. Là. Donc, je suis mort quand même une couple de fois. Chaque village est séparé en 3 jours. Okay. La première journée, c'est pas quand même facile. La deuxième, un peu plus dur. La troisième, là, ils mettent le paquet. Là, les jours sont plus courts. Il faut que tu grouilles le cul. Fait que, écoute, overall, c'est quand même le fun. Un jeu qui coûte... Ouais, c'est ça, il est combien? Je pense qu'il est 12,99. Il me semble qu'il est plus cher que 10$, c'est ça. Je le trouve trop cher. Parce que c'est très... Tout le temps, un peu la même chose. C'est un, comme j'aime dire, un one-trick pony. C'est une affaire, mais répétée avec, disons, dans le fond, ça va plus vite, c'est plus difficile, mais il n'y a rien de vraiment nouveau tant que ça. Mais... Parce que moi, c'est ça qui m'a déçu quand j'ai su la description du jeu. Je pensais que c'était un quest. Moi, je pensais, après avoir vu les premières images, je me disais, ah, c'est vraiment, tu sais, c'est un platformer 3D complet, tu sais. Mais finalement, c'est pas vraiment ça. Tu peux le prendre un peu comme quest, là, aussi, parce qu'un coup que tu as fini un village, c'est beau, tu passes au prochain. Quand tu commences le village, on te donne un montant d'argent X, là. T'as un sidekick aussi, un petit écureuil. Puis lui, il garde le cash, là, tu sais. Okay. Fait que tu commences un village avec, mettons, 2000$, tu sais. Ouais. Avec ça, il faut que tu t'organises. Fait que, mais, tu sais, pour t'aider, ben là, tu trouves des diamants, puis toi, tu vas les vendre au village, tu sais. Mais quand tu as fini un village, tu peux retourner le faire. Puis là, tu peux décider de commencer avec autant d'argent que tu veux, parce qu'à chaque village que tu finis, tu as des économies, tu sais. Fait que tu peux aller là avec tout ton argent, là, tu achètes des grosses tours de guns. Mais le problème, c'est quand tu fais pas ça, tu retournes pas en arrière, puis tu fais le jeu normalement, tu as tout le temps un problème d'argent. Tu n'as jamais assez d'argent pour comme... t'acheter ce que tu voudrais ou whatever. Là, je pourrais avoir des level 2 de shotgun, mettons, dans mes tours. Mm-hmm. J'ai pas les moyens de me payer ça, tu sais, parce qu'il faut que j'achète un bâton de dynamite pour ci, puis là, il y a une tour d'écrasé là. Tu manques tout le temps d'argent, tu sais. T'as jamais le feeling de satisfaction. T'as jamais le feeling d'être au moins un peu capable de contrôler la situation, tu sais. C'est peut-être ça qu'ils veulent, parce qu'il faut vraiment que tu sois stratégique précisément à quel tour que tu boostes, tu sais. Puis des fois, tu le fais par erreur aussi, parce que tu te rends compte que, mettons, tu mets une grosse tour là, tu y mets un shotgun, mais il n'y a jamais personne qui passe par là à peu près. C'est comme « Chris, là, je vais mourir. » Puis quand je vais refaire le tableau, ben je vais savoir de pas équiper, que j'équiperai pas ce tour-là. Fait que c'est ça, là. Ça, c'est décevant un peu. C'est répétitif et tout, mais écoute, le graphisme est très beau. C'est un full 3D, tu sais. La musique est super le fun. Ben, tu sais, on se tanne pas, tu sais. Mais bon, c'est un nouveau genre dans un sens. Ouais, c'est ça. Il a jamais essayé. Mais c'est correct. S'il avait été genre 8$, je disais all the way. Mais là, 13$, tu sais, je trouve ça un petit peu cher. Mais il t'en donne longtemps. Mais c'est tout le temps un peu pareil. Bon. Fait que, c'est ça. C'est un jeu correct, là, disons. OK. Ben, moi, prochain jeu, je vais vous parler de Journey. Que je joue à ça depuis dans le fond, là, vous écoutez l'épisode. Fait que ça fait 2 semaines que je joue. Mais j'ai pas joué 2 semaines en tout parce que c'est un jeu qui est pas super long. Ouais. Fait que je pense que ça s'adresse vraiment à un public précis qui est probablement les fans de That Game Company. Si vous avez aimé Flower, si vous aimez ce genre de jeu-là, vous allez triper sur Journey. Mais vraiment, quelqu'un d'autre, là, si vous cherchez un jeu d'action dans lequel vous allez massacrer plusieurs ennemis... C'est tellement pas ça. Achetez pas ça, pantoute, là. Même que... après coup, je trouve que le jeu est quand même un peu cher pour le contenu qu'il donne. Moi, j'allais 15$, je ne l'achète pas. C'est ça, c'est un peu cher. Ça revient à 5$ de l'heure, donc on dit qu'il dure 3 heures. Ben, il dure même pas 3 heures. Même pas, bon. Il dure un peu plus que 2 heures, tu sais. Fait que c'est pas un long jeu, mais c'est un jeu, moi, qui va marquer toute ma vie. J'ai joué à ça, je l'ai terminé, puis là, j'ai recommencé. Puis dans Journey, on est dans un désert, je l'avais raconté un peu la semaine passée, puis on se lève, puis on va avancer, puis aussi on va glisser dans des espèces de vallées désertiques, puis on va se rendre après ça, plus loin dans un monde où il y a de la neige. Après ça, on va voler. Il y a un moment où on est en dessous de l'eau. On est transporté sans arrêt. La musique est hallucinante. C'est le fun parce que des fois, il y a d'autres personnages qui passent autour de nous. Puis là, on se dit, ben voyons, je peux-tu interagir avec tout ça? Puis finalement, c'est quelqu'un qui est connecté au réseau. Ouais, ça, c'est qui se promène à côté de nous autres. Je trouve ça écœurant. Ouais, hein? Ouais. Tu sais, j'ai terminé le jeu. Il est rendu à la même place que toi, là, dans le fond. Oui. Dans le jeu, c'est ça. Puis c'est un peu. Tu sais, j'entendais le gars de That Game Company parler de ça. Puis il disait, nous, ce qu'on a voulu créer avec ça, c'est justement, on a voulu créer la même ambiance que. Si toi t'avais justement un long voyage à faire, je veux pas quand on part dans un grand voyage, on rencontre des gens qu'on connaît pas, on rencontre des inconnus. Ouais. Nos chemins se croisent le temps d'un instant, puis après ça, ben, ils partent faire leurs choses parce que eux autres aussi sont sur une quête personnelle. Pis c'est ça qui est le fun dans Journey, c'est qu'on croise ces gens-là, on va essayer de se lier un peu avec eux autres, puis au final, il y en a un des deux qui va se tanner, puis on va partir sur notre chemin, puis on va faire autre chose. C'est ça qui est le fun là-dedans. T'as comme une espèce t'as une expérience complètement solitaire qui te fait réfléchir, qui te fait penser. C'est quelque chose de bien psychologique. Puis la musique, le graphisme, c'est très épuré, mais c'est parfait pour ce que ça a besoin de faire. Ouais. C'est vraiment un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis c'est le fun, j'en parlais avec Tristan Geoffroy tantôt, qui a eu probablement la même expérience que moi, tu sais. Puis c'est un jeu qui vient nous chercher émotivement. Mm-hmm. C'est bizarre de dire ça comme ça, parce qu'il y a bien du monde, j'imagine, qui nous écoute présentement, puis qui dit comme, ben ouais, on donne what the fuck. Mais non, sérieusement, c'est un jeu qui va venir te chercher émotivement parce que, par sa beauté, par sa simplicité. On est tellement habitué de jouer à des first-person shooters puis à des jeux d'action où ça va hyper vite. Ouais. Là, là-dedans, t'as un but, t'as quelque chose à faire qu'il faut que tu fasses, mais au moment où tu le fais puis pendant que tu le fais, ben on te donne le temps de le faire puis on t'éblouit visuellement. Puis c'est ça. Puis finalement, moi, je savais pas c'était quoi la signification de ce jeu-là. Ouais, au moment où j'ai joué. Là, ou Non, je spoil pas, okay. Parce qu'ils ont sorti une vidéo. Cette semaine pour le lancement. Parce que le lancement officiel, c'était cette semaine. Là, présentement, on est mercredi. Il est sorti hier officiellement. Vous autres, vous allez écouter le podcast un peu plus tard. Mais dans la vidéo de lancement, il disait que l'histoire, c'est la naissance. Dans le fond, ça résume ce que c'est la naissance. Ah ouais. Fait que c'est la naissance d'un personnage. Fait que c'est sa quête pour se rendre à la naissance. Mais tu sais, le but, c'est de se rendre à la montagne. La montagne, elle a une craque dans le milieu. C'est ouais. C'est-tu comme un vagin, tain, ça? Tain, tain, tain. Ouais. Ben, tu sais, c'est un peu de la manière que je l'interprète aussi. Ouais, je trouvais ça comique quand j'y ai pensé, là. Mais c'est ça, ils disent que c'est vraiment... Ah, c'est beau. C'est la naissance, mais c'est super beau en même temps quand tu y penses. Puis je fais pas de spoiler, mais la fin est grandiose. Puis c'est au-delà de pas mal tous les jeux auxquels j'ai joué. Okay. Et la façon que ça se termine avec les crédits puis tout ça, vraiment, là, j'en parle puis je revois des moments puis c'est des tableaux, là. C'est merveilleux. Puis c'est ça, ça coûte 15$. C'était un peu cher pour 2 heures, mais... En même temps, tu sais, c'est quasiment, tu sais, il y a pas grand jeu dans ma vie que je vais pouvoir me souvenir sans arrêt puis dire un jeu qu'il faut que tu joues maintenant. Ben, présentement, j'ai juste ça dans la bouche, Journey. Tu sais, je dirais à tout le monde de jouer à Journey parce que c'est autre chose complètement. Puis juste parce que c'est autre chose, mais parce que ça réussit à être autre chose. Puis c'est pas un jeu artistique. Juste pour être pour faire artistique, beau. Ah non, pour ça. Faire beau. Ça me fait chier de ce jeu de même. Entre autres, cette semaine, il y a Jim Sterling qui disait, Dear Esther, qui est un jeu de PC dans lequel il se passe rien. C'est un jeu artistique qui est beau, mais t'as rien à faire. Là. T'explores, mais t'as pas de but, t'as rien. Dans Journey, c'est le fun parce que t'as un but, t'as quelque chose. T'sais. Ouais. Puis avec Flowers, c'était la même affaire. T'avais quand même un but. Il y a des achievements là-dedans. Puis il y a quelque chose. T'as un but. Ça, c'est le fun. Moi, j'ai des affaires de glandage que tu te promènes. Tu fais comme ah, fuck, c'est beau. C'est de la belle 3D. Je m'en calique. Non, non, c'est hyper, tu veux que ça soit beau, mais ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Fait que, en tout cas, that's all. Tu me donnes le goût. En tout cas, même à 15$, ça me donne le goût pareil. Ah, moi, je trouve que c'est un incontournable. Puis ça va. En tout cas, c'est sûr et certain qu'en 2012, dans mon best-of de l'année... Ouais, lui, c'est ça que j'allais... J'étais en train de penser. C'est le premier sur la liste présentement. Là. Ah ouais? Il est vraiment très haut dans mon estime, ce jeu-là. Okay. Fait qu'on sait déjà deux slots de casé, comme ton jeu de l'année, Journey, ton pire jeu de l'année, genre Never Dead, sûrement. Et Colin, ouais, Never Dead, je pense que ce serait pas mal mon pire jusqu'à la date, là. Fait que toi, t'as-tu joué à autre chose cette semaine? Ouais, j'ai un petit jeu rapide, là, de Intellivision. Ouais. Demon Attack. J'ai joué à ça parce que Salvidrim sur Twitter m'en a parlé. OK. Puis, c'est ça, lui, c'est un de ses jeux là, d'enfance favoris, mais à l'Atari, tu sais. J'ai jamais joué à ça, je connais même pas le nom. C'est comme Phoenix. OK. Vraiment, là. Puis même que Atari, puis Imagic, c'est ça la compagnie. Tu sais, Imagic, les cassettes sont différentes. Il y a comme un label chrome, là. Ouais. Bon, et ils sont allés en cours, puis finalement, Imagic, on s'était ça hors cours, puis tout ça. Mais bon, Atari a vraiment poursuivi Imagic parce que c'était un peu une copie de Phoenix. Mais c'est un peu vrai. Mais moi, chez nous, pour répondre à Salvidrim, je me suis rendu compte que j'avais juste la version Intellivision. Okay. Les deux versions sont différentes. Ouais. C'est pas compliqué, là. T'es comme... c'est comme Phoenix. C'est ça, t'es en bas, comme Galaxian, comme Galaga, t'es en bas, puis tu shootes là, les bébites qui arrivent du ciel. Okay. Eux autres, ils te lancent des balles. Là. Space Invader style. Là, puis, c'est ça. Mais ce qu'il y a de bon, du moins dans la version Intellivision, c'est que t'as trois sortes de démons, finalement, qui descendent. Ouais, ouais. Les premiers étant des gens d'oiseaux qui sont vraiment... non, les premiers... Ouais, les premiers, c'est comme des oiseaux qui ressemblent à Phoenix. Les deuxièmes, c'est... Ah, ça ressemble tellement à Phoenix, plus que c'est la même affaire que Phoenix, finalement. C'est comme les premiers oiseaux dedans Phoenix. Puis après ça, t'as une troisième sorte de démons qui sont des plus grands oiseaux articulés. Okay. C'est full d'oiseaux, finalement. C'est carrément copié. C'est puis Phoenix. Après ça, quand t'as fini de tuer toutes ces waves-là, ben, ton le protagoniste. Ouais, comment j'appelle ça, là? L'affaire à terre qui tire des balles. L'affaire à terre qui tire des balles, c'est ton vaisseau. Ton vaisseau, ouais. C'est ça. Ton vaisseau, il décolle. Puis là, il s'en va dans l'espace rejoindre un boss. T'sais. OK. Puis là, il faut que tu le tues. Mais le boss, à l'intellivision, il est malade, là. On dirait une usine de feu, tu sais. C'est comme une grosse face, là. Il y a du feu, tu sais. Il y a des layers. Il t'envoie plein de petits oiseaux. Puis là, c'est vraiment le carnage, là. Okay. Tu paniques, mon gars, là. Tu vas de gauche à droite, tu sais. Là, faut que tu le gunnes, faut que tu passes à travers ses couches. Puis dans le bas, il est un peu shapé comme Phoenix aussi, dans le boss de Phoenix. Et tu sais, comme un cône, pas qu'un... Ouais, un peu conique là, dans le bas, comme la forme en dessous. Alors, quand tu réussis à le tuer, tu redescends, tu sais, sur ta planète. Parce que je pense que c'est à la Lune, parce qu'on voit la Terre en background. À puis là, ça recommence. Il te renvoie les mêmes waves de monstres, mais là, au lieu de te tirer des balles normales, il t'envoie des balles en forme de X qui explosent quand il touche au sol. Fait qu'il y en a quand même pas mal du stock, tu sais, pour un jeu d'intellivision comme ça. Je trouvais ça pas mal chouette. Le seul problème, c'est que les manettes d'intellivision donnent mal aux mains à force de pitonner comme un malade à ça. J'ai eu bien de la misère. Fait que la version Atari, elle, à ce que j'ai vu sur YouTube, c'est... Il n'y a pas de boss. OK. Qui est vraiment triste. Puis c'est des waves de sortes d'oiseaux là, qui reviennent tout le temps. La seule différence, c'est que je pense qu'à la troisième wave d'oiseaux, il y a comme un gros oiseau puis deux petits oiseaux. Mais c'est vraiment juste ça. Là. Okay. Mais de jouer avec un joystick d'Atari doit être vraiment meilleur là, qu'avec la manette d'intellivision. Mais la version intellivision est plus complète. Bon. Donc, écoute, moi, c'est un rip-off de Phoenix ou c'est Phoenix qui est un rip-off de ce jeu-là? Ce serait ça Phoenix, serait... l'arcade, est sorti en 1980. OK. Ce jeu-là est sorti en 83. Oh. La version Atari est sortie en 82. Et puis, la version Intellivision en 83. Okay. Même que je suis allé voir le commercial sur YouTube, la pub télé de ça, de Imagic pour la version Atari. Okay. Et là, ça dit vraiment que c'est genre un des jeux les plus tough. Là, t'sais. Ah, c'est vraiment là, le jeu le plus tough pour Atari. Puis là, à la fin, ça dit aussi « Bientôt sur Intellivision ». C'est tellement cool de regarder ça. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça si tough que ça. Ouais, là, mais là, en même temps, là, tu sais... Mais je peux le mettre à Medium... à Easy, Medium Hard, là, sur l'Intellivision, parce que tu peux choisir, là. C'est pas pire, ça. C'est rare dans ce temps-là, il me semble. Ouais, ben, sur l'Intellivision, vu que t'as un clavier sur ta manette, tu sais, ça te donne beaucoup d'options dans le jeu actuellement, là. Donc, mais écoute, j'ai eu vraiment du fun, là, puis je suis très content, grâce à Salvidrim, d'avoir découvert ce jeu-là, merci. Que j'avais déjà, vu que j'avais même pas joué encore, là, dans mes 75 jeux d'intellivision que j'ai eu d'une claque. Donc, si vous voyez passer ça, puis que vous avez des consoles rétro, un bon achat. Nice. Vraiment le fun. Rétronouveau.ca. Alors, cette semaine, j'ai posté, j'ai vu. D'ailleurs, c'est les jumeaux techno qui l'ont posté en premier sur Twitter. Puis j'étais comme tellement content que je l'ai posté moi avec sur notre blog. Ils vont faire Mad Dog McCree au 3DS. Yeah. Puis écoute, ça, c'est. Il l'avait sorti sur iPhone auparavant. iPhone? Oui. Ah, je savais pas. Tu sais, as-tu essayé? Je l'ai pas essayé, par exemple, mais je sais qu'ils l'ont sorti au iPhone parce que. Pratiquement tous les jeux de Laserdisc vont sortir peu à peu sur iPhone, iPad, parce que ça se fait bien, c'est parfait. Là, c'est un fit vraiment On va l'expliquer aux gens vite fait. Dans le fond, ça, c'était des jeux d'arcade qui étaient faits comme un film. Oui. Puis c'était un western, puis tu avais un film interactif. Tu avais un gun, puis tu tirais, c'est ça, cinématique complètement. Tu tirais le monde dans TV, puis c'est comme si tu tuais du monde dans un film. Tu sais. C'était tellement cool. C'était révolutionnaire dans le temps. Moi, je trouve ça plate que ça se fasse plus. Tout le monde, en tout cas, les peut-être producteurs ça se fait, de jeux pas disent assez que ça coûterait Montréal. Trop cher. Oui, ça coûte cher à faire. C'est vraiment le parce pour qu'il faut ça que tu tournes. C'est comme faire un vrai film. Exact, c'est comme faire un vrai film. C'est ça. Mais tu sais qu'il y a eu une version aussi, c'est sorti sur la Wii, puis moi, je ne savais pas. Un re-release en 2009. Oui. Puis même, moi, je pensais que c'était un download, tu sais. Mais non, c'est un vrai jeu qui est sorti physique, là. C'était pas un download, moi aussi, je pensais que c'était un download. J'ai vu des cases sur Google Images de ça. Ça contient trois jeux. Mad Dog McCree, Mad Dog 2 de Lost Goal, et puis The Last Bounty Hunter. Ah, c'est assez complet. Mais en tout cas, j'ai vu des critiques qui disent que c'est de la merde. Mais en tout cas, moi, j'ose pas me prononcer. Il faudrait que je joue vraiment. T'sais. C'est sûr qu'on nous deux. Moi, j'ai le souvenir. C'est tout ce dans nos souvenirs, c'est juste de la magie. Là, ouais, ça, là, tout est merveilleux dans nos souvenirs. Un vrai western là, là, sur 3DS. J'ai hâte de voir ça. Ça sera pas 3D non. Parce que c'est impossible à faire. C'est impossible de le créer des en 3D. Là, de virer ça 3D. Mais ça va. J'ai peur qu'on perde du fun de pas tenir un gun. Ouais, moi aussi, je pense ça. Je pense que ça peut changer la game. De pas tenir un gun puis de pas avoir avoir le stress qu'il faut mettre un autre 25 cents. Ouais. Ça, ça a changé bien des jeux d'arcade pour moi, entre autres les beat'em up. Là. Mm-hmm. Moi, ça les a pratiquement tous tués comme X-Men. X-Men, j'ai rejoué, puis Simpson aussi, j'ai rejoué, puis. Le fait de ne pas avoir à mettre un autre 25 cents et de ne pas avoir un joystick avec deux pitons d'être dans une arcade, ça change tout. Ah, ça change bien les affaires, c'est clair. En tout cas, je vais voir. J'espère que ça va être en download, là, cette affaire-là. C'est sûr que ça va être en download d'après moi. Je ne verrai pas ça en vraie copie. Là. Bon, là, un petit download, là, Mad Dog, à 10$, là, même pas 8. 8. Ah ouais. 8$, moi je prendrais ça tout de suite. Moi je le prendrais tout de suite. Là. Juste la nostalgie, paf, si je l'achète. Ah, vraiment cool. Moi. Ouais. Excuse, vas-y. Mais j'ai d'autres choses à dire. Vite fait, je vais faire un petit erratum sur mon mashup que j'ai fait la semaine passée. Link avec Ezio. Oui. Mais c'est pas Ezio en fait que j'ai pris pour me baser dessus. C'est Altair. Oui. Dans Assassin's Creed 1. Oui. Ça s'appelle Altair. Oui, Altair. Parce que ça a reblogué, tu sais. Puis là, le monde a écrit comme note. Hey, c'est pas Ezio, c'est Altair. Excusez-moi, tout le monde. J'en ai aucune fucking idée. Moi, quand j'écrivais Ezio, ce gars-là est sorti. Fait que je me suis basé là-dessus. Puis c'est that's it. Fait que, en tout cas, là, je l'ai changé sur le blog. Là, j'ai écrit Altair, tu sais. Ça rentre moins qu'Ezio. Je pense qu'Ezio est plus populaire quand même comme assassin. Là. Fait que je voulais juste en parler. Mais ce qui me donne le goût aussi, j'ai jamais joué à Assassin's Creed, la série. Ouais. J'ai l'impression que je pourrais aimer ça. Parce que moi, j'aime ça le stealth. T'sais. Metal Gear, moi, j'adore. Puis j'aime, je trouve ça beau, ce clic d'assassin-là. Je trouve ça a l'air intéressant. Moi, c'est les contrôles qui fait que je l'aime pas, ce jeu-là. Parce que sinon, je l'aimerais beaucoup. Mais le deuxième, il a pas été corrigé. Mettons, Assassin's Creed 2, ouais, c'est pas mais genre c'est ultime. À vrai dire, c'est que les contrôles qu'il y a maintenant, c'est les contrôles que tout le monde aime, sauf moi. Là. Je suis comme le 1% dans le 100% qui aime pas le jeu. Là. Okay. Mais c'est à cause des contrôles. Je sais pas. T'sais, sauter pour faire mes affaires avec les gâchettes, j'aime pas ça. Mm-hmm. À toutes les fois que j'ai des jeux d'action, j'aime utiliser mes boutons sur le dessus de la manette pour pouvoir le faire. J'aime pas ça utiliser les gâchettes pour le faire. Fait que ça change un peu mes habitudes de jeu. Puis je sais pas, ça m'attire moins. Puis j'avoue que je suis pas très historien dans l'art. Je pense que le monde peut s'en rendre compte. Là. Fait que le 15e siècle, je m'en calisse. T'sais, fait que c'est toutes des affaires de même. Ouais, mais le jeu fait est supposé être bon pareil. Je pense, là, malgré que tu te calisses de l'histoire. Oui, c'est ça. Le jeu peut être bon quand même. Même que le nouveau le setup m'intéresse plus quand même. Ouais. Là, celui qui va sortir bientôt, là, lui, je trouve que ça a l'air fort. En tout cas, j'aimerais que vous me tweetiez, les amis. Est-ce que je devrais me pogner Assassin's Creed 2 ou Revelation pour commencer à jouer à Assassin's Creed? Je me pognerai pas le premier, il paraît que c'est non, c'est, le premier, raté, c'est pourri. Là. Je l'ai joué, puis verc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Bon. Moi, je vais vous parler d'une affaire bien drôle que j'ai vue sur un blog récemment. C'est une image à propos de Pac-Man. C'est le son de Pac-Man qu'on peut faire en se grattant l'intérieur de l'oreille. Puis, je n'ai pas marche. Essayé, ça me tente pas de me graisser le doigt, tu sais, pour sur ma, t'sais. Man, faut que tu l'essayes. Tu te pognes juste l'oreille, là, puis tu fais... Ah ouais, hein? Ça marche. Excusez pour le silence, c'est parce qu'on l'a fait live. Mais ça fait vraiment comme waka waka waka waka waka waka. C'est vrai, ça pourrait être totalement parenté. C'est écœurant, présentement, vous nous écoutez puis vous le faites. OK, on va vous laisser le faire. Allez-y. Hein? Ça fait waka waka waka waka. C'est écœurant. Fait que c'est ça. Moi, c'est tout ce que je veux dire. J'ai rien d'autre à dire. Ben, écoute, merci de mettre la bonne humeur dans notre journée. Puis on va aller se laver le doigt. Ouais, exact. OK, on a un autre invité cette semaine qui est venu donner une entrevue. On avait parlé lors du dernier épisode de Toy Company, le Chiptune à Montréal. Alors, je vais laisser notre invité se présenter. Il va pouvoir nous en parler plus. Toy Company, c'est lui. Ah, ben c'est moi puis quelques autres personnes. En fait, mon nom, c'est Francis, AKAXC3N, et j'organise les soirées Toy Company avec Alice Effect et Jérôme, AKAPocaille. OK. Alors, qu'est-ce que c'est Toy Company? Bien sûr, c'est la question la plus populaire. Ouais, c'est ça. Oui. Parce que vous avez plusieurs pages web, plusieurs groupes Facebook, plusieurs choses. Oui, parce que ça regroupe plusieurs choses. En fait, Toy Company essaie de devenir synonyme avec Chiptune à Montréal. Donc, ça veut dire qu'on organise des événements sous ce nom-là. Okay. Il y a aussi un collectif là, dont les membres que j'ai nommés font partie. Okay. Puis, finalement, on a un genre de mini-label là, où on fait des compilations des artistes qui ont passé durant les événements. Comment il s'appelle donc ce label-là? X3... Non, c'est juste Toy Company. J'imagine que tu parlais de Axor Record, qui est mon semblant de label à moi, là, mais okay. Ça, c'est pas inclus dans ce sujet-là. Beau logo en passant. Pareil. Ouais, c'est un tatou que j'ai dans le dos. Ah ouais, en plus, c'est sérieux. Fait que là, côté Chiptune à Montréal, ça fait combien de temps que Toy Company existe? On est là depuis 2008, puis dans les premières années, on a fait des spectacles saisonniers, c'est-à-dire qu'on faisait environ 4 événements par année. Okay. Là, dans la dernière année, on force ça un peu plus. On a plusieurs spectacles là, déjà qui ont été partis en 2012. On en a un qui s'en vient ce samedi à l'École de technologie supérieure là, durant le LAN de l'ETS. Okay. Donc, c'est aussi pour la Saint-Patrick. Donc, Jérôme a décidé d'appeler ça la Sainte-Bitrick. Donc, ça, c'est ce samedi qui s'en vient à l'ETS, donc au coin de Pierre-Notre-Dame. Sauf que là, si on dit ce samedi, puis l'épisode sort la semaine prochaine, ça va être... Ça marche pas, mais ça va déjà avoir été passé. Savoir qu'est-ce qu'ils ont manqué le samedi dans la chronique. Mais on va l'annoncer sur le site quand même. Ouais, on va l'annoncer, là, effectivement. Vous êtes comme dans un épisode de Retour vers le futur. des informations, mais... dans la chronique, ce que vous avez manqué cette semaine. Oui, exactement. Moi, je me demandais justement, les compilations, vos trucs que vous faites, que vous enregistrez, comment qu'on peut se procurer ça? Faut aller au show? Non, à vrai dire, moi, personnellement, je crois pas aux médias physiques de distribution, donc des CD, des clés USB ou quoi que ce soit. Moi, je crois pas à ça du tout. Des clés USB. Il y a du monde qui donne des clés USB. Oui, mais c'est quand même sympathique. Puis je dis, au moins, c'est réutilisable. T'sais, je veux dire, tu peux prendre la musique, la mettre où tu veux, puis après ça, ben, t'as une clé. Mais c'est sûr, si c'est une clé de 500 mégas, ça vaut plus ou moins le coup. C'est ça. On utilise Bandcamp. Je ne sais pas si vous êtes familier. Oui. Que j'utilise aussi moi-même puis tous mes labels. Là, c'est un site qui est excessivement bien fait pour distribuer de la musique. C'est ça, c'est toycompany.bandcamp.com. Où on retrouve... on a juste une compilation à date. On est en train de travailler sur une deuxième qui va être des extraits live. Tandis que là, c'est plus les gens qui ont passé durant les événements qui nous ont fourni à ce moment-là des exclusivités. Okay. On s'en est servi de faire une petite levée de fonds pendant le lancement. Mais maintenant, l'album est disponible gratuitement ou il y a la possibilité de faire des dons aussi pour encourager la machine. Cool. Puis, tous ces artistes-là, ils sont-ils tous montréalais? Ou... Non, c'est ça qui est intéressant. On a des gens d'Espagne, on a des gens des États-Unis, New York, San Francisco, on a des gens... Ils viennent ici faire le party. Oui, fait que vous avez des invités vraiment qui... C'est le fun, ça? Oui, mais c'est sûr qu'on a des affinités avec la scène à New York puis à Philadelphie. Donc, la scène à New York avec les événements tels que Pulse Wave, IO, puis bien sûr le Blip Festival qui a lieu à chaque année, qui est un très, très gros festival là-bas, le plus grand événement en Amérique du Nord. Là. On est en train de l'accoter un peu, là, mais ça reste quand même eux autres le plus gros là, en ce moment. Puis c'est Pulse Wave, en fait, qui a inspiré Toy Company. Moi, puis Alice Effet, qu'on parlait sur IRC, puis on se rendait compte qu'on avait beaucoup de points en commun au niveau de la musique, au niveau des arts, puis dans nos personnalités aussi. Bon, je lui ai dit, genre, pourquoi qu'on ne fait pas comme eux autres, tu sais, parce que en me renseignant sur ces gens-là, tu as l'impression tout le temps que c'est quelque chose d'inaccessible. On s'est rendu compte que c'était monsieur, madame, tout le monde, qui avait des jobs le jour, puis qui avait juste décidé de... Ben de concrétiser ça. Fait que j'ai dit, bon, ben, on essaie-tu? Puis là, je sais pas, finalement. À force d'insister, ça s'est concrétisé. Puis ben, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Je me demandais, c'est-tu une volonté de garder ça aussi underground que ça? Parce que c'est difficile quand même de savoir l'existence même d'un mouvement chiptunes à Montréal, je veux dire. Ben là, invite-le à Monsieur Net, Bruno. Oui, non, j'ai fait du press à Denis, là. Justement, moi, maintenant que je découvre ça, c'est sûr que je vais pousser pour inviter à Monsieur Net, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on n'entend pas vraiment parler nulle part. Ben, il y a le fait qu'on ne fait pas vraiment de press release. Dire, ça vient pas du fait d'un désir d'être underground plus que qu'on est paresseux et qu'on on a tous plusieurs projets qui. Ça prend des moyens aussi, là. Ben, c'est plus c'est l'expérience qu'on n'a pas nécessairement. Ouais. Là, nous, on a décidé, on a contacté des artistes, ça vous tente de faire un show. Là, on trouve on a fait festo Zoo Bizarre, là, qui est maintenant le CFC. Puis bon, ça coûte pas cher à louer. Donc, ça n'a pas été compliqué de mettre sur pied un spectacle avec des gens qui, eux. Je pense à Taxi Nouveau, je pense à Matt Fuzz et son Game Boy, qui, eux, déjà se produisaient sur la scène locale, mais il n'y avait pas de regroupement thématique là, autour du chiptune. Tu avais des gens qui faisaient ça par eux-mêmes dans leur coin. T'sais. Donc, ça a été pour organiser un spectacle avec des gens qui avaient un minimum d'expérience, puis en n'ayant pas un très grand risque financier. Mais ça, c'était facile d'organiser. Puis après ça, eux, ils avaient déjà leur following, donc ils ont invité leurs amis. Nous, on a invité nos amis sur Facebook et tout ça. Puis c'est comme, ça a commencé comme ça, puis ça a continué comme ça, où en fait, on contacte les gens sur Facebook, bon, ben, il se passe tel truc, puis comme on utilisait des salles qui étaient quand même relativement petites, ben, ça se remplissait bien sans avoir besoin d'émettre un communiqué de presse, d'essayer de rejoindre les médias, puis de faire beaucoup de bruit avec ça, tu sais. Là, on a fait un événement de 2 jours dernièrement, puis on s'est dit, bon, ben, on va falloir pousser un petit peu plus. Ou quand on a décidé de faire des shows à Société des arts technologiques, là, il faut faire un petit peu plus de promotion. Donc, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas une grosse visibilité médiatique. Premièrement, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Puis même quand je leur explique bien, ils ne comprennent pas plus. On a fait dernièrement la page de 24 heures. J'ai été surpris, l'article était quand même assez accurate, était assez quand même précis, mais... Encore là, il y a des notions qui n'ont pas été bien comprises. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens pensent que soit qu'on trafique ou on hack les jeux pour essayer de distorsionner la musique. Mais en fait, on n'utilise aucun jeu commercial. Il n'y a rien de ça qui est impliqué. Les gens pensent que... Il y a des gens qui pensent que je viens de pogner un power-up. Il y a des gens qui pensent qu'on fait du sampling, qu'on sample des jeux vidéo. Puis il y a des gens qui font ça, mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Vraiment, on va s'interfacer via un logiciel sur le synthétiseur qui est dans l'appareil de jeux vidéo, que ce soit le Nintendo ou le Game Boy. Donc, on parle directement à la puce. Tu sais, si tu vas t'acheter un synthétiseur au magasin, bon, mais dessus, tu as un clavier pour faire les notes. Puis après ça, ben, tu as des boutons, dire, ben, je veux tel son ou je veux modifier le filtre de telle façon, ou etc., etc. Oh, oui. Donc, ça se trouve être la même chose, mais tout se fait, c'est comme scripté, c'est dans un séquenceur ou dans un logiciel quelconque qui permet de paramétrer le synthétiseur directement. Mais ça passe à travers la chip de la console, là. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça du chiptune, parce que dans la console, il y a une puce qui est chargée d'émettre le son en suivant des instructions. Puis nous, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on lui fournit ces instructions-là. Il faut comprendre que c'est du paramétrage précis, c'est la programmation de synthétiseur et non pas juste « Ah, je veux prendre le son de Mario qui saute puis joue-moi un do avec ça. » Ouais, non, c'est ça. Ça comme... marche pas comme ça. Ouais, ouais. Mais c'est difficile à expliquer quand même comme son. La plupart du temps, le monde, il associe ça aux jeux vidéo. Mais ben, ça pas vraiment, c'est pas la tout différence monde entre. Je pense que c'est du sampling de jeux, là, carrément, en pilé. Mais moi, c'est genre. Ça qui est drôle, c'est que j'en parlais avec du monde, puis il y a du monde qui disait, ah, c'est comme du. C'est comme ce que Skrillex fait. Puis là, je suis comme, mais non, c'est pas ce que Skrillex fait. Pantoute, c'est pas du dubstep, du chiptune. Ouais. Ben non, il y a des gens qui font du dubstep aussi en chiptune. Donc, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est juste un médium. Donc, le genre lui-même n'est pas défini. C'est un instrument, finalement. C'est ça, il y a des gens qui font du drum and bass, t'as du monde qui font du techno, t'as du monde qui font du hip-hop, t'as du monde qui font du noise. Je veux dire, les possibilités sont infinies. Là. Oui. Puis, Bud Melvin au Texas, lui, écoute, il a son Game Boy, puis il joue du banjo par-dessus, puis il chante, là, qu'on est loin de Skrillex. Ouais, c'est ça, là. Ben, je regardais même, c'est ça, la semaine passée, j'ai fait des recherches là-dessus pour découvrir plus d'artistes. J'ai remarqué, je pense que c'était Unicorn Kid, que c'était assez proche aussi des fois du dubstep, puis même du ça ressemblait à du house même des fois, tu sais, puis là tu fais comme... Ouais, Pacay qui fait du progressive house aussi. Ouais, c'est un petit peu plus, sa musique est plus produite, là, c'est pas très raw, là. Ouais. Honnêtement, en 2008, je connaissais pas vraiment le dubstep. Moi, je trippais beaucoup, genre trip-hop, puis down-tempo, fait que je faisais la musique quand même assez lente, assez hip-hop, mais quand même électronique. Mm-hmm. Puis il y a du monde qui venait me voir, me disait « Ah ouais, crime, c'est bon, on dirait du dubstep. » Puis je suis comme « C'est quoi ça, du dubstep? » C'est quoi ça? C'était quoi? On me dit « Ah, ta musique ressemble à du dubstep. » Tu sais, puis, tu sais même lent, pas t'sais. C'est quoi. Ouais, j'avais aucune idée. Puis, j'ai commencé à faire de la radio à CISM, puis mon co-animateur lui en fait jouer pas mal. Puis j'en suis venu à connaître ça un peu plus. Là. Ouais. Puis dis-moi donc, c'est quoi ta console, ton instrument? C'est un NES, c'est un Coleco, c'est quoi? Ah, j'utilise plusieurs choses. C'est sûr que le Game Boy reste un classique, simplement parce qu'il est tellement facile à transporter. Ouais. Puis au niveau des contrôles, au niveau des logiciels qui existent, moi j'utilise LSDJ, mais il y en a d'autres comme Nanoloop, puis il y en a d'autres que je connais pas ou que j'utilise pas. Mais le fait que je peux traîner ça dans ma poche, à n'importe quel moment, hop, là, faut que j'attende, moi, chez le médecin, ou j'attends pendant 1h30, ben, j'ai le temps de travailler sur une track. Je m'en lance un party, c'est plate, ben, je mets mes écouteurs, puis je me mets. Mais tu pitonnes sur ton Game Boy, c'est incroyable, parce que dedans. T'as 6 touches sur un Game Boy. Ben, c'est ça. Ben, t'as Select Start aussi. Ouais, mais en fait, t'as 6 touches sur. Ben, toi, tu parles avec le D-pad, là, ça fait 4, plus les deux boutons, 5, 6, 7, 8 avec Select Start, ouais. Ben, c'est amplement suffisant. Le logiciel est vraiment fait en fonction de ça. Okay. Même que tu as un autre logiciel qui s'appelle LGPT, qui est entièrement basé sur LSDJ, puis qui est un track by joystick, donc qui utilise le même type d'interface. Non, c'est très simple. La première fois que je suis tombé là-dessus, exemple, j'avais la bouche grande ouverte, je comprenais rien partout, là, mais tu veux dire, faut que tu utilises le livret d'instructions une fois, préférablement deux. Mais une fois que la petite complexité initiale est passée, le niveau d'efficacité, puis de facilité que tu vas chercher est assez impressionnant. Là. C'est très, très minimaliste, mais en même temps, ça débouche là, des possibilités vraiment infinies. Ça. Parce que même sur la DS, moi, j'avais essayé Korg. Sur la DS, je me... Wow, c'est vraiment... C'est deep, là, comme... Ça, c'est différent. C'est entièrement software, mais ça reste très, très intéressant. Le premier logiciel qu'ils ont sorti était assez limité. Petite anecdote amusante, il y a un de nos amis en Suède qui avait releasé une version pirate du logiciel DS10 le jour de sa sortie au Japon, donc c'était même pas encore disponible en Amérique du Nord. À peu près 24-48 heures après ça, Starpose, un ami de San Francisco, qui est très présent sur la scène chiptune, a dit « Bon, manquez les gars, on a eu 48 heures, vous niaisez avec, la star, vous avez 24 heures pour faire une track. » Fait qu'on a fait... Moi puis quelques amis, une dizaine d'amis, on a fait chacun une track dans les 24 heures qu'on a soumis après. Puis lui a fait un mixtape qu'il a releasé sur Internet. OK. J'imagine que tu connais peut-être le blog CDM, là, Create Digital Music. Donc Peter Kern a vu le mixtape. Il a commencé à écrire un article en disant qu'il trouvait ça déplorable de voir que, crime pour une fois, que l'industrie du jeu vidéo se penche vers nous et essaie de nous fournir un outil de travail qui n'est pas juste un jouet là, comme... le truc de plancton, là, je sais pas c'était quoi le nom. Ouais, c'est ça. T'sais, c'était pas juste une gimmick, mais c'était vraiment une plateforme pour produire de la musique. Puis il dit là, vous autres, ils sortent ça, vous autres, vous attendez même pas 24 heures, puis vous passez barre en barre. Puis j'étais pas content jusqu'à ce que j'entende la mixtape, puis je me dise, j'ai besoin d'aucun autre argument pour savoir que je veux acheter ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Mmh. Fait que ça m'a fait plaisir de voir ça, surtout que ma track était au début de la mixtape, t'sais. L'article était là, genre, puis donc feature les plus grands artistes chiptune avec mon nom en premier. C'était la première track que c'était la première track que je faisais ever dans ce style-là, t'sais. Fait que ça m'a comme donné un petit boost. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Pour finir de répondre à ta question, j'utilise aussi le Nintendo. Il y a beaucoup d'outils qui sont sortis en 2010, faits par Neil Baldwin, qui, je sais pas si tu connais, Eurocom. Compagnie de. Ils ont travaillé avec Taxan aussi, qui ont fait plusieurs jeux de Nintendo là 20 ans. Eurocom. Ouais, comme Magician, ils ont fait. Ouais, je connais Taxan, mais je connais pas Eurocom, par exemple. Magician, c'était. Ouais, c'est ça. Donc, la musique de Magician est faite par Neil Baldwin. L'OG, man. Puis une partie de la programmation aussi. Puis ce gars-là, 20 ans après, bon, il va être nostalgique, il a commencé à regarder de la musique de Nintendo sur l'Internet. Ouais. Là, il a trouvé un genre de top 10 des meilleurs compositeurs, des meilleurs tracks. Mm-hmm. Il était très surpris de voir non seulement que son nom était dans le top 10, mais son nom était dans le top 10 associé avec une track qui venait d'un jeu qui s'appelle HeroQuest qui n'a jamais été releasé. Le projet a été avorté, puis le jeu n'a jamais vu le jour. Fait que, il s'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Il s'est rendu compte plus tard que c'était un de ses amis avec qui il travaillait qui disait « Crime, la musique est trop bonne. Je vais l'extraire, le fichier NSF, le mettre sur l'Internet. » Fait qu'il s'est penché là-dessus, il a trouvé ça vraiment intéressant, puis il a dit, il y a encore une communauté active, encore des gens qui font de la musique. Ben fait ouais. qu'il s'est mis à développer des outils que tu peux utiliser directement sur le Nintendo, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, parce que tous les développeurs disent, non, là, c'est trop limité, c'est impossible, ça se fait pas. Puis ils disent, ça se fait pas. Hein. Mm-hmm. Il nous a sorti trois outils en dedans d'un an pour travailler là-dessus, puis il est encore en train de travailler sur quelque chose d'autre, je ne sais pas. Okay. Donc j'utilise cette plateforme-là. Puis une autre plateforme que j'aime beaucoup, c'est le Atari ST. C'est un ordinateur quand même peu connu ici, des années 90. C'est un micro-ordinateur Atari, ça. Oui. Avec un processeur de 8 MHz, là, puis avec ça tirait, ça. Avec une souris, un clavier, tout, là, puis ce que j'aime beaucoup avec cette plateforme-là, c'est que la chip de son est vraiment pourrie, là. C'est l'équivalent de la chip dans le premier Sega Master System, là. C'est-à-dire que tu as trois channels avec soit du... un pulse wave ou du noise, puis c'est tout. Là. Tu peux pratiquement rien faire. Mais comme le processeur est assez puissant, le monde se sont mis à faire des routines dans le processeur pour moduler la sortie de la chip de son. Okay. Tu trouves à avoir des capacités vraiment décuplées, puis vraiment juste parce qu'il y a des gens qui n'avaient rien d'autre à faire et qui disaient on va rendre ça plus intéressant. Ouais. Et la production est vraiment intéressante. Sinon, ben, t'as comme l'AR64, qui est vraiment populaire. La télévision, il y en a-tu? Il y a du genre, mais sur les consoles Atari, t'as deux chips qui sont populaires, le TIA puis le Pokey, qui sont excessivement limités, qui souvent sont pas mélodiques du fait que tu peux pas aller chercher toutes les notes dessus. Il y a juste certaines fréquences qui sont disponibles. Ouais. Fait que t'sais, t'es vraiment limité dans ce que tu peux faire. C'est sûr que tu y vas avec les notes auxquelles t'as accès. Ou comme dans le temps, il faisait, tu t'en fous, puis tu prends la note la plus proche, ce qui donnait des interprétations assez étranges dans certains jeux d'époque, là, où ce que tu avais de la musique classique qui était reprise, puis la moitié des notes, c'était pas les bonnes. Ouais. Le gars, il est pourri, mais tu sais, finalement, tu te rends compte que c'est parce que les notes sont juste pas disponibles, ça, tu sais. Mais pour faire du go noise, c'est assez... j'ai oublié son nom, par exprès. Un artiste australien là, qui... il a fait un Guitari, là, il y a un Atari. Oui, je l'ai posté sur notre blog. Ouais, c'est quoi malade, son nom déjà? Là, j'ai oublié son nom, mais c'est live. Pas le fun, là, ça. Ah, j'ai, moi, là. J'étais là. Le live là? Que tu as vu, j'étais là dans la salle. Shit, hein? Méchant party. Ouais, ouais. Puis en plus, je couvrais l'événement en live sur WFMU, la radio à New York. Okay. Là, puis, non, ça, c'était très impressionnant. Ouais, surtout ouais. quand tu connais intimement les limitations de cette chip-là. Là, tu crèmes le gars. Hein. Incroyable. Il sait comment. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Okay, c'est tout un univers, hein, pareil. Là, puis on commence à peine à gratigner la surface à Montréal. Là, vraiment. Ben, en tout cas, nous autres, on commence vraiment. Il y en a sûrement qui nous écoutent, qui connaissent ça au bout. Oh, ouais, c'est ça. Là. Sûrement qu'il y en a des plus connaisseurs que nous, mais quand même. Ben, tu sais, il y avait t'as fait un party dernièrement au Nacho Libre, gratuit en plus, samedi soir. J'ai pas pu y aller. Mais écoute, moi, je vais y aller, c'est clair. On récidive le 12 mai. Le 12 mai, quand même, au Nacho Libre, gratuit. Oui. OK. Parfait. Bon, moi, les shows là-bas, j'aime mieux qu'ils soient gratuits. J'essaie de convaincre le propriétaire. Moi, c'est parce que je veux des tacos pas chers. Moi, c'est ça que. C'est ça. Nachos, la bouffe au Nacho Libre est vraiment bonne. Ouais. J'essaie de trouver une commandite. Tu trouves une commandite de bière. Je paye la bouffe. Ouais, c'est ça. Y a pas mal de monde. Ça devait être ouais, pas mal oui, plein. Oui, oui, oui. La salle était pas mal pleine. Cool. Puis ça va, pour ceux qui ont assisté, ça va être encore mieux la prochaine. Là, le son de la salle va être refait au complet. Puis on va s'arranger pour avoir plus de visuels. Je veux savoir un plus gros impact encore. Là. Excellent. C'est cool. Cool. Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir. Ben, avant, y a-tu des. Veux-tu dire des pages web? Des ouais, sites ben, web, des t'as toujours. Web. Ben écoute, l'idée, c'est toycompany.cc. Okay. Là-dessus, ça donne accès à notre page Facebook, notre channel YouTube. On a un groupe sur SoundCloud aussi pour les gens qui veulent partager leur création. Ouais. On a le Bandcamp où il y a la compilation qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un set très minimaliste, toycompany.cc, mais qui donne accès à tous les différents volets sur différents engins sociaux, peu importe. Là. Donc, c'est le point de départ. Excellent. Merveilleux. Excellent. Bon. Mais merci énormément ben de ton passage. Merci énormément de nous éclairer autant. Ben, ça me fait plaisir. Puis écoute, en même temps, je viens t'acheter le Teenage Mutant Ninja Turtle. Le 4, Turtles, Turtles in Time. Il vient faire un excellent achat. Est-ce que vous jouez live ou... Ben non, mais moi, je le mets ça dans la salle. Donc, le prochain Toy Company, il va avoir un Nintendo jeu, dans la salle avec joue, Turtles in Time. C'est bon ça. C'est spécifiquement pour ça que je l'achète. On a toujours des jeux dans les salles. Ah, ben c'est bon. Cool. Il y a du monde qui vont faire le party et qui vont jouer à mon Turtle. Je suis content. All right. Ben, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Créateur. Fait que le créateur cette semaine, c'est un créateur très populaire. C'est Shigeru Miyamoto. Le créateur de Robocop au NES. Le Terminator au NES. Non, c'est lui le créateur de Zelda, de Mario. C'est lui le petit monsieur que vous avez vu pendant à la sortie de Twilight Princess avec une épée puis un bouclier de Link. Ouais. C'est un petit monsieur pas mal sympathique à la tête de Nintendo. Mais c'est-tu le boss de Nintendo? C'est pas le boss de Nintendo. Ça, hein? Non, c'est ce que je vais vous raconter. OK, ben vas-y, puis je vais apprendre. C'est ça. Écoutez. non, c'est ça. Fait qu'il est né le 16 novembre 1952 à Sonobe. Donc, ça lui donne 59 ans aujourd'hui. Fait qu'il est pas jeune, le petit monsieur. Mm. Il a toujours été un passionné pour le dessin, la musique, mais aussi les marionnettes. OK. Il a été diplômé du Kanazawa Municipal Art and Craft College en 1974. Fait qu'au départ, il voulait devenir créateur de manga. Il n'était pas parti pour être créateur de jeux, puisqu'il l'a influencé à devenir designer de jeux. C'est le jeu Space Invaders en 1978. Donc, okay. Il n'y avait même pas la piqûre avant ça pour les jeux vidéo. Wow. C'est drôle de voir que ce jeu-là a marqué du monde pour toujours. C'est fou, moi, hein? Je joue à ça. C'est la même affaire que les plus jeunes qui écoutent notre podcast. Ouais. Si jamais ils jouent à Joust. Ouais. C'est Joust. Ouais. Joust, ouais. On dit c'est quoi ce jeu-là? C'est un Defender, ouais. J'ai joué à Thierry des Afghans, En tout cas, il a été engagé par Nintendo en 1979. Fait que ça n'a pas été long, son affaire. Là. Il était intéressé, paf, il a été engagé par Nintendo où il a travaillé sur son premier jeu, Sheriff, qui est un jeu d'arcade. Ah ouais? Ouais. Ça existait, ça, là? Oui, ça existait. Je suis allé voir des images, puis on pourrait en mettre des images sur le blog, d'ailleurs. En 1979, en quel mois tu as été engagé? Et boy, il me semble que c'est au mois de novembre. Hey, puis moi, je suis né en décembre 79. Oh! Fait que vois-tu, c'est proche. OK, tu peux continuer. Puis en 1980, il a travaillé sur Radar Scope, qui obtient un certain succès. C'était une machine d'arcade. Ah ouais, très populaire. C'est quelque chose, ça. En 1981, Nintendo a eu beaucoup de misère à percer le marché nord-américain avec cette machine, d'ailleurs. Mais ça a été populaire. Ça a eu un certain succès, mais seulement au Japon. Ça n'a pas été super populaire de ce côté-ci. Je regarde la borne d'arcade, là, puis ça a l'air compliqué là, ouais. Comme jeu. Là. Mais c'est ça, Nintendo a eu beaucoup de misère à percer le marché nord-américain, puis le président Hiroshi Yamauchi a mis Miyamoto et Gunpei Yokoi en charge de convertir les machines non vendues de Radar Scope en nouvelles machines d'arcade. Okay. C'est ça, ça n'a pas marché tant que ça. Ah. Puis Yokoi, c'est son partenaire depuis de longues années, là, même encore aujourd'hui. Ah ouais? Là, c'est des partners in crime, ces deux gars-là. Cool. Fait que Miyamoto a imaginé plusieurs concepts pour enfin se décider qu'est-ce qu'il allait faire avec cette machine-là. Puis, il en est arrivé à un triangle amoureux entre un gorille, un charpentier et une fille. C'était basé sur Popeye, Bluto et Olive. Ouais. Donc, c'est inspiré aussi de King Kong, évidemment, le film de 1933, pas celui-là qui est sorti récemment. Puis, Donkey Kong était né. C'était son premier gros jeu d'arcade. Le jeu fut envoyé à Nintendo of America et le manager des ventes détestait le jeu. Ah ouais? Parce que le jeu était différent des jeux de labyrinthe puis des autres jeux de tir du moment. OK. Fait que c'est ça, lui, c'était différent. Fait qu'il avait pas ça. Il était bien dans le champ, lui. Un beau conservateur en devenir, ça. Exact. Mais c'était Nintendo of America. Ouais. Fait qu'il était... Ah! Ouais, il était haineux. Le jeu fut quand même un succès énorme et ben Miyamoto a fait deux suites, soit Donkey Kong Jr. et Donkey Kong 3. Ah ouais, Donkey Kong 3, c'est lui qui l'a fait? C'est lui qui l'a fait. Parce que je viens de l'acheter et je vais le mettre en vente bientôt. Ah ouais? je l'ai acheté, je le vends. ben, il était dans le bundle que j'ai acheté dans le but de le vendre, dans le fond. Puis il est très différent, celui-là, là, pareil. Là. Mais, moi, je les aime, les Donkey Kong. Ben, franchement, là, c'est. C'est le fun. Je trouve qu'ils devraient tous les mettre sur le même jeu pour pouvoir avoir une collection de Donkey Kong. Là. Ben, là, au lieu de Donkey Kong Classics, là, avec Donkey Kong Jr. Puis, là, t'as raison. Puis moi, je vais le mettre en vente, ça aussi, avec Donkey Kong 3. Okay. Fait que la personne qui va m'acheter ça va avoir son kit Donkey Kong au NES. Voilà. En business. Yes. Fait que j'ai su une affaire pas mal intéressante. Pauline était le nom de la femme de Don James, qui était le manager de la manufacture Nintendo à Washington. Ah ouais? C'est drôle, ça, pareil. C'est, cool. Hein? C'est juste comme, c'est quoi le nom de ta femme? Ouais. Fait que Pauline, puis le personnage principal, c'était Jumpman. Jumpman, ouais. Mais j'ai posté sur le blog là-dessus, Pauline puis Mario dernièrement. C'est où vrai. Où explique un peu. Hey, wow, le lien. Et c'est raccord. Mais ensuite, il a été appelé Mario Segale. C'était son nom complet. Ah, ça, je savais pas. Puis Miyamoto a travaillé ensuite sur Excitebike et Devil World, que je ne connais pas. Devil World. Ouais, tu peux chercher ça. Je connais pas ça tout de suite. Puis après, vu le succès de Donkey Kong, il a voulu créer un autre jeu basé sur un personnage de Donkey Kong. Il a donc retravaillé sur Jumpman. Il l'a appelé Mario, tout simplement. Puis, il a donné un frère, Luigi. Ce nouveau jeu-là, évidemment, c'est Mario Bros. Son premier super pouvoir à Mario, c'était de pouvoir tomber de très haut sans mourir. Imagine, tu sais. Ben, c'est comme... pratique, pareil. Oui. Imagine dans la vraie vie ce qu'on pourrait faire. Ben, imagine, c'est comme, OK, on va penser à tous les super pouvoirs qu'on peut. OK, lui, il saute d'un 10e étage, mais il se pète pas les jambes. C'est comme... Malade. Un peu. Hey, mais je veux juste revenir deux secondes sur Devil World. Oui. Et je dois te dire que c'est le genre de jeu. J'ai déjà joué à ça, là. C'est le jeu genre, qui existe là, sur les cassettes. Les 32 dans un, genre. Ouais, ouais. Puis 200 jeux. Oui. Puis le petit bonhomme, c'est comme un Pac-Man. Puis t'as un Devil en haut qui fait un frame autour. Tu peux pas sortir du frame. Puis tu promènes dans le labyrinthe de Pac-Man. Tu pognes des croix. C'est une copie de Pac-Man. Puis le personnage, au lieu d'être Pac-Man, il ressemble à un des petits dragons de Bubble Bubble. Ah. C'est vraiment cool. On mettra, je vais mettre du footage de ce jeu-là. Fait que... Je suis vraiment content d'avoir appris ça, là, sans joke. Ouais. C'est vraiment cool. C'est merci, cool. Bruno. Bon. Fait que c'est ça, son look de charpentier dans Donkey Kong l'a amené à le changer en plombier. Justement, mm-hmm. Il se disait charpentier, pas sûr que ça va tenir la run. Puis en plus, c'était un grand fan de New York, la ville de New York. Ouais. Puis le jeu est basé sur cette ville. Ouais, là, évidemment, je parle bien de Mario Bros. Hein. Je parle pas de Super Mario Bros. Oh, non, je parle c'est de ça. Mario, le premier qui est sorti. Après, il a travaillé sur Ice Climber, Kid Icarus, mm-hmm. puis Super Mario Bros. Le but du jeu dans Super Mario Bros. C'était de créer la plus grande aventure possible pour prouver que Nintendo était capable de faire des grands jeux avant la sortie du NES. Parce que le NES n'était pas sorti, puis évidemment, il a besoin de se prouver à Nintendo pour dire ben on fait un bon investissement avec eux autres. En plus de ça, il a commencé à travailler sur The Legend of Zelda une fois Super Mario Bros. Terminé. Ouais. Là, il faut dire que la console n'est pas encore sortie. Là. Il travaille sur ces jeux-là, puis il n'y a rien de sorti encore. Il était-tu payé pendant ce temps? Ouais, ouais il était payé. Aujourd'hui, les créateurs ne sont pas payés pendant qu'ils trouvent des idées. Ben, ouais, c'est ça. Attends, en tout cas. Puis, en passant, là, juste une petite anecdote. Là. J'allais voir, parce que j'ai fait bien des recherches sur lui, puis c'est tout le temps drôle d'aller voir sur Wikipédia quelles affaires sont écrites, parce que des fois, c'est totalement faux, puis des fois, c'est tout croche. Ouais. Puis, dans la version française de la biographie de Shigeru Miyamoto, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est ridicule. En calvaire, ils disent qu'au départ, il était designer industriel, puis il a changé de job parce qu'il dessinait des cintres. OK. C'était son emploi, ça? C'est come on. Je pense pas que tu fais des études en design industriel pour dessiner des cintres toute la journée. Le cintre est déjà existant, t'as pas besoin de le redessiner. Fait que c'est un peu épais. Fait qu'en tout cas, je vais juste partager ça avec vous autres à quel point c'est stupide. Puis que Wikipédia, c'est pas toujours fiable. Fait que c'est ça, il a commencé à travailler sur Legend of Zelda. Puis ce qu'il voulait pour Zelda, contrairement à Mario, c'est que le style soit non linéaire, puis force le joueur à réfléchir avant d'agir. Il voulait dans le fond que le joueur ressente le même feeling que lui quand il se promenait dans la forêt étant petit et qu'il faisait une découverte parce que Shigeru tripait sur la forêt puis s'évader puis tout ça. Fait que finalement, Shigeru, c'est Link. C'est beau, c'est ça. Quasiment ça qu'on pourrait dire. Puis en 1986, Super Mario Bros. Et The Legend of Zelda ont été des titres de lancement. Fait que dès que la console NES est sortie... fort en salle. Exact. Il y avait ces deux titres-là, puis ils savaient que c'était de la bombe. Là. Paf, dans ta face. Après ça, évidemment, il a travaillé aussi sur des suites pour ses jeux, donc Super Mario Bros. 2, 3 et Zelda 2. Miyamoto a créé ensuite le Nintendo Entertainment Analysis and Development, le Nintendo EAD. C'est un centre de recherche interne qui existe encore aujourd'hui chez Nintendo. D'ailleurs, récemment, quand il y a eu le speech de Reggie sur Internet, il était à côté de ce centre de recherche-là. On le voit dans le vidéo. Ça, c'est pas comme un méga centre là, de plusieurs millions de dollars. D'ailleurs, Dylan's Rolling Western a été développé là-dedans. Ouais. Fait qu'eux autres font de la recherche sur les jeux vidéo. Je trouve ça tellement cool d'imaginer une place comme ça, que c'est juste du monde qui pense à des nouvelles façons de jouer. Je trouve ça brillant. Là. Pourtant, étrangement, ils pensent pas à mettre des démos pour leur jeu. Comme, arrête de penser trop loin, tu sais, puis passe au nécessaire. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. Tous des poètes, man, mais ils oublient d'aller faire l'épicerie, là, tu sais. Fait que travailler ensuite sur Star Fox puis sur Super Mario RPG pour la Super Nintendo. Ah, cool. Avec RPG, Miyamoto a travaillé sur des modèles 3D, ce qui l'a amené à la Nintendo 64. Mm-hmm. Fait que dans le fond, quand il travaillait là-dessus, il s'est dit « Oh, on a de quoi? » Puis il a fait une grande recherche sur le développement des personnages et du système de caméra en 3D pour Super Mario 64. Ouais. Donc son deuxième jeu pour la console, ça a été Legend of Zelda Ocarina of Time, que tout le monde se souvient, mais à titre de producteur et non de directeur cette fois-ci. Fait qu'à partir de ce moment-là, pratiquement jusqu'à la fin de sa carrière, il a été producteur plutôt que réalisateur. OK. Mais il sert aussi à titre de designer pour plusieurs jeux, mais il est consultant plus qu'autre chose. Il est vraiment plus producteur qu'autre chose. Fait que c'est ça. Puis ensuite, est arrivé Mario 64, Mario Party. Il a produit aussi Majora's Mask et Star Fox 64. Puis ensuite est arrivé la GameCube. Miyamoto a travaillé sur Luigi's Mansion, Metroid Prime, Pikmin, Pikmin 2. Puis il a aussi fait plusieurs jeux de DS et de Game Boy Advance, dont Super Mario 64 DS et Nintendogs, qui est un énorme succès. Ouais. En 2005, il est arrivé au E3 avec Legend of Zelda Twilight Princess et la Wii, sur laquelle il travaillait depuis plusieurs années. Okay. Il a produit les jeux Wii Sport, Wii Fit, ainsi que les jeux DS de Zelda Spirit Tracks et Phantom Hourglass. Ah, bravo! Vraiment. Puis pour la Wii, les jeux de Mario encore, Super Mario Bros. Wii, Super Mario Galaxy 1 et 2. Galaxy, c'est lui aussi? Oui. Mais c'est ça, mais il produit, puis il est là, tu sais, il participe, mais c'est pas lui qui réalise. Ouais. Faut pas lui donner tout le crédit non plus, mais... c'est le mastermind, en arrière. C'est le mastermind quand même. C'est lui qui a inventé la base de ces personnages-là, puis il était là au début, puis c'est un gars qui est brillant. Il travaille présentement sur des titres de Wii U et de 3DS. Super Mario 3D Land est sorti, ça on le connaît déjà, mais présentement il travaille sur Luigi's Mansion 2 sur 3DS et Pikmin 3 sur Wii U. OK. Wow. Fait que ça, on a bien hâte de voir ça. Puis pour terminer, je vais vous dire qu'il a reçu pas mal de prix, ce gars-là. En 98, il a été la première personne à être honorée à l'Academy of Interactive Arts and Science Hall of Fame. En 2006, il a été nommé chevalier à l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre français de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabre. Il a été ensuite nommé un des héros asiatiques par Times Magazine aux côtés de Gandhi, Mère Teresa, Bruce Lee et le Dalai Lama. C'est pas rien quand même. Puis Time l'a aussi nommé comme l'une des personnes les plus influentes en 2007. Au Game Developer's Choice Award en 2007, il a aussi reçu un trophée pour l'ensemble de sa carrière. Il est nommé selon plusieurs sites comme l'un des 10 meilleurs créateurs de jeux de tous les temps. Puis c'est normal parce que le gars, il est brillant. Là, c'est un cerveau. Là. Ce qu'il a fait. Ouais. Il doit avoir un esti gros chalet, lui. C'est la meilleure conclusion possible. Je sais pas comment taper ça. La discussion. Okay. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de parler des démos de jeux. C'est drôle, je pensais pas que ça aurait pu être un sujet, ça, les démos de jeux, tu sais. Mais ça peut, là, je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis un bout, là, quand même, là. Tu sais, avant, là, t'es, comme Pierre-Luc de Trois-Bières disait, d'ailleurs, on va le citer tantôt, mais tu pognais ça dans des revues de jeux vidéo sur CD, là, tu sais, c'est malade, ça, pareil. Moi, je jouais jamais à ces CD-là, là, tu sais, ça traînait partout, là. Mais les CD que tu pognais dans les céréales, entre autres, là, il y avait ça aussi, c'était taqué sur la boîte, ouais, là, hein? Exact, ouais. Ça, tu sais, mais les démos, entre autres, tu sais, il y en avait pas dans ce temps-là, puis... Ça comptait comme un démo. Ça, c'était un démo, mais c'était juste sur ordinateur. T'en avais pas ces jeux. Tu peux pas avoir un démo de NES. Là. Ah, NES, non. Pas, ça a commencé avec le PlayStation, je pense. Avec le PlayStation. Parce que la première fois que j'ai acheté une revue PlayStation, c'était la revue officielle du PlayStation. Puis là, il y avait des démos avec. Puis je capotais, Je gardais toutes mes DVD de démos. Je gardais toutes un après l'autre. Ils étaient toutes bien placées dans une pochette. Je les essayais une fois, that's it. Le seul que j'ai runné très longtemps, moi, c'était Tony Hawk Pro Skater 2. Ah, c'est vrai, parce que tu pouvais faire pas mal de stock. T'avais tout un parc d'ouvert. Il y avait un parc d'ouvert, puis tu pouvais faire du free. Tu pouvais rider tant que tu voulais, je pense. Man, tu sais, dans ce temps-là, je travaillais de nuit dans une shop. Travail étudiant l'été, tu sais. Ouais. Donc, j'arrivais chez nous vers 2h. Là, je capotais, mon gars. Là, je jouais à ça, là, tu sais, pendant genre 3 heures, toute la nuit, là, tu sais, juste aux démos, là. Mais c'était malade, Tony Hawk Pro Skater 2, tu sais. Ça a changé. C'était tellement nouveau. J'avais pas joué au 1, tu sais. Fait je commençais avec le 2, je capotais, là. Mais non, pour toutes les autres démos, les CD, tu sais, je trouvais que c'était comme un public-sac, tu sais. Je sais pas, j'étais pas enclin à les jouer vraiment, là. Non, mais moi, ça m'a aidé à acheter des jeux au début pour le PlayStation. Ouais. Là. Sur CD, comme ça t'aidait. Tu te disais, waouh, méchant bon démo, je m'en vais m'acheter la vraie copie. Ben, exact, parce que moi, entre autres, il y a un jeu que j'avais acheté, ça s'appelait One sur PlayStation. Un des meilleurs jeux de PlayStation, qui d'ailleurs, il est sur PlayStation Network aussi. Je l'adore, ce jeu-là. J'ai même rejoué récemment, puis malgré les mauvais contrôles, j'ai autant de fun. De quoi ça parle? C'est quoi? Ce que c'est, One, c'est que t'es un personnage, une espèce de bonhomme avec un bras robot, un genre de Mega Man, mais un vivant, là, un homme. Okay. Puis tu commences, là, tu cours sur une grande plateforme, puis c'est en 360 complet. Puis il y a des gardes qui te poursuivent comme des Mongols, puis tu passes à côté d'une fenêtre, puis il y a une grosse hélicoptère qui te court après, qui te lance des torpilles, mon gars, c'est juste énorme comme jeu. Fait que tu sais, toi, tu viens de jouer à des jeux de Super Nintendo, puis là, tu tombes à ça, puis tu capotes. Ouais, c'est clair. Mais c'est un jeu qui était pas très connu, puis il y avait eu le démo sur un disque de PlayStation, puis j'ai joué, puis là, j'ai fait comme tabarnouche. Tu sais, c'était juste le premier tableau, mais c'était en masse pour vendre le jeu, là. Fait que moi, j'ai vu ça, j'étais allé payer 60$ pour le jeu, puis j'étais satisfait, fait que... Tu sais, c'est quand même le fun, les démos, mais ce qui est dommage, je trouve, de nos jours, c'est que il n'y a pas des démos de tous les jeux. Tu sais, c'est pas, c'est pas acquis. Mais surtout sur le PlayStation Network et sur WiiWare, parce que sur la 360... Sur WiiWare, surtout. Oui, surtout. Mais c'est parce que sur 360, ils ont compris. La plupart du temps, tu peux télécharger une version d'essai qui appelle. Tu sais, c'est pas vraiment une démo, c'est une version d'essai de pratiquement tous les jeux. Mm. Ça, ils ont vraiment une longueur d'avance chez les autres. Là. Ben oui, puis pas plus tard qu'hier, je voulais downloader un... Je regarde toujours sur le PlayStation Network les démos, puis il y en a pas... Il y en a rarement, en fait, tu sais. Puis là, je voulais checker pour Shoot Mini Robots, tu sais. Oui. Là, j'ai pas trouvé de démo. Mais là, c'est 10$, tu sais. Je sacrifie-tu un 10$ pour ça, ce jeu-là, alors qu'il n'y a pas de démo? C'est comme... Les démos, ça peut te faire sauver de l'argent, là, souvent. Ben, énormément. Parce que moi, j'avais vu à Reviews on the Run un jeu qui s'appelait Swarm. Oui. C'était comme un paquet de petits bonhommes bleus, là. Oui, il me tentait, ce jeu-là. Comment tu dis? Il me tentait, ce jeu-là. Il me tentait, moi, avec. Goût, grâce aux démos, ben, je ne l'ai pas acheté. J'ai trouvé ça vraiment plate. Ouais, mais, c'est ça. J'étais sûr que c'était génial. Puis c'est le genre de jeu que j'aurais acheté, là. Si j'avais pas eu de démo, je l'aurais probablement acheté. Non, c'est sûr. Choplifter, ça a fait la même affaire. Choplifter HD, qu'on avait parlé. C'est écoute, vrai. Moi, j'avais essayé le démo, j'étais comme « Oh, c'est pas bon, ça! » Ah, c'est clair. Mais c'est ça, c'est le fun parce que ça te fait sauver de l'argent, mais en même temps, les démos, des fois, c'est trompeur, tu sais. T'as comme une version une version alpha du jeu. C'est une version qui n'est pas terminée. Puis même, ils te le disent avant que tu commences la démo. Ils disent « Ah, ben le jeu est encore en cours de création. » Ça, c'est-tu comme Gotham City Imposters? Oui, mais Gotham... Non, mais... Quand il y a comme les versions alpha puis des versions bêta. Oui. Non, les versions bêta dans ce genre-là, c'est souvent à cause que le jeu est en développement puis ils veulent que les gens jouent au jeu pour pouvoir les aider à fixer des bugs puis à trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Normalement, c'est pour des jeux en multijoueur. Moi, quand je disais ça, alpha, dans le sens que le jeu est en création, mais c'est pour le mode solo. Fait que c'est pas pour dire aux accompagnés « Ah, garde, change ça. » Non, non, là, c'est... Ils ne sont pas ouverts à ça. C'est juste qu'il fallait qu'ils sortent un démo, ils l'ont sorti, puis paf, c'est fini, c'est fait, bonsoir. Puis des fois, tu arrives à la nouvelle version, à la version qui est sur les tablettes, puis c'est pas exactement ça. Ou tu as joué à un tableau qui représente très mal le jeu. Tu sais, des fois, il y a des jeux qui sont super longs, puis il faut que tu aies joué longtemps pour pouvoir comprendre l'essence du jeu, tu sais. Comme un trailer de film, genre un trompeur, là, tu sais. Full action dans le trailer, puis pas d'action dans le film. Ben, c'est ça. De ton drive. Ouais. Mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est tu sais, t'as un trailer de film, des fois, t'as 2 minutes et demie, c'est toutes les meilleures scènes, mais vraiment toutes les meilleures scènes. Puis là, tu regardes le film, puis tu fais comme, ouais, c'était ça. Le trailer, finalement, c'était tout ça, sauf que là, c'est éparpillé sur 2 heures et demie, puis... Ouais. Un jeu, c'est ça. Un jeu, c'est trompeur quand même. Là. Mm. Des fois, pour avoir une bonne idée d'un jeu, tu peux pas jouer pendant quelques minutes. T'sais, comme j'ai parlé plus tôt dans l'épisode de Journey. Ouais. C'est un peu ça aussi, Journey. J'aurais aimé un démo de ça. Mais un démo ça, de Journey... Ça ne l'aurait pas fait. Hein? Ça le fait pas. Ouais. T'sais, c'est, tu peux pas savoir exactement en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est Journey parce que une expérience complète, c'est long quand même. Puis t'as besoin là, de t'enrober complètement de ce univers-là. Contrairement à Renegade Ops, qui est c'est tout le temps un peu la même affaire à chaque tableau. Donc, premier tableau. Un tableau, puis tu le sais. C'est parfait. Bon gars, tu gunnes tout ce qui bouge, puis tu fais l'hélicoptère un petit peu. C'est réglé, mon gars. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Mais je suis content, là, la 3DS en fin des démos. Oui, hey, ça, c'est cool, hein? C'est cool, ben, ça. C'est un petit peu nécessaire, là, je mais trouve. C'est long, par exemple. T'sais, encore une fois, t'sais, c'est une démo par semaine. Ça prend quand même du temps, tu sais. Mais avant, ça serait le fun. C'est un début. Oui, c'est un début, tu sais, parce que moi, j'ai parlé d'Ellen's Rolling Western tantôt, puis, tu sais, c'est ça. S'il y avait eu un démo, peut-être je l'aurais pas acheté, là, tu sais. Mais en tout cas... ça en prend plus de démos. Donc, en même temps, peut-être que tu n'aurais pas... peut-être que l'expérience que tu aurais eue aurait été différente de l'expérience que tu as avec le jeu complet, tu sais. Ben, moi, je pense ça à Resident Evil, la démo, donné... c'est pas la même affaire. Là. Comment tu dis? Je pense à Resident Evil Revelations. Ouais. Présentement, je suis en train d'essayer la version complète. Un démo de ça, complète. Je pense pas que c'est une bonne idée, Resident ben, Evil. C'est ça, ça donne pas... C'est pas parfait, tu sais. C'est pas ce que c'est exactement. Ça serait comme un démo de Final Fantasy, tu sais. Ça sert à rien, là, tu sais. Faut pas faire ça du tout. Mais Nintendo sont vraiment à blâmer côté démo. Ah oui, vraiment. Puis, ils sont en retard. Puis, tu sais, comme quand, je pense que ça fait 2 ans déjà, quand il y a eu les premiers démos, ça, oui, tu sais. Comme, yeah, Nintendo a des démos, mais juste pendant 2 mois, dans le temps des fêtes, puis dépêche-toi, tu sais. T'es comme, voyons, là, qu'est-ce que c'est, là? T'essayes-tu de me. Je comprends pas ça. Non, t'sais. Moi non plus. Puis en plus, dans le Wii Store, y a tous les jeux WiiWare, finalement, il y en a un méchant paquet. Là, oui. T'as juste un petit écran de rien avec un descriptif. Puis dans l'écran, c'est pas du gameplay non plus, c'est comme une image fixe de genre la signature du jeu. Puis là, c'est comme il dit 15$, achète ça. Ben là, tu sais, voyons, là. Tu peux pas. Je comprends que tu peux aller sur Internet comme pour aller voir ce que c'est, puis là, acheter le jeu. Mais tu sais, moi, des fois, là, je suis assis sur mon cul, j'achète le jeu right away, là, ouais. Tu sais, parce que ça a l'air cool, puis parce que j'en ai un peu entendu parler, tu sais. Mais avec la Wii, ça arrive jamais quand je non, fais ça. Non, c'est là. Ça. Jamais, hein, d'un coup, là, je vais désirer acheter un jeu que je connais pas, tu sais. Non, ça, c'est plate, puis moi, tu sais, l'autre jour, on parlait du cloud gaming. Ouais. Puis le cloud gaming, je pense, la seule raison pourquoi j'ai hâte que ça arrive, c'est même pas pour le jeu complet, c'est pour un démo. Moi, j'aimerais ça que t'arrives, là, tu check les jeux qui s'en viennent, puis là, tu vois ça comme « Ah, nouveau Assassin's Creed. OK, try. » Tu cliques sur « Try », puis paf, tu l'essayes là. Ouais, ouais. Tu l'essayes, puis t'as un temps donné. T'as 30 minutes, admettons, puis c'est 30 minutes du jeu. Puis that's it. Tu sais, il y a le test du jeu complet qui se donne sur PlayStation Network pour les membres du PlayStation Plus. Mm-hmm. C'est bien, mais... faut que tu télécharges le fucking jeu au complet. Ouais, mais c'est ça. Ben, c'est à ça que je voulais en venir aussi, parce que tu m'as traité newbie quand j'ai acheté mon PlayStation. Parce que moi, je savais pas. Je me dis, bon, je vais downloader un démo. C'est pas lourd, ça, un démo. Tu sais, puis je vais jouer tout de suite. Mais non, tu downloads le jeu complet. Ouais. Puis après. Après ça, tu le débarres avec un 6K. En l'achetant, tu sais. Ouais. Ce qui fait qu'il y a des jeux que c'est vraiment long, là, downloader le démo. Tu sais, j'ai downloadé un démo hier, Puddle. Puis ouais. J'ai pas eu le temps de l'essayer. Là, ma blonde voulait écouter la TV. Il a fallu que je ferme tout ça. Mais tu sais, j'aurais voulu jouer comme maintenant, là, vite, ouais. Une petite shot. Là, ça, c'est très dommage. Parce que quand tu t'installes, tu dis, bon, je download des démos. Pis tout. Exact. Tu peux pas. Tu sais, faut que tu fasses d'autres choses, dans le fond. Quand tu pars des démos, c'est pas pour jouer, c'est pour les downloader. Fait que pense que tu joueras pas à ça à soir. Exact. Comme dans quelques heures, là, disons. Mais moi, ce que j'aime justement par rapport à. Par rapport à la PS3, il y a le Remote Play. Ça sert pas juste à essayer de jouer à des jeux. Ça sert à commander via ta PSP ou ta PS Vita, PS3. Fait que tu peux aller sur PlayStation Store. Tu es dans l'autobus et download-moi ce jeu-là. Genre, exact. Parce que je veux l'avoir en arrivant chez nous. C'est ça. Ah ouais, c'est très cool. Moi, je fais ça. Je fais ça souvent. Tu sais, ouais. Mettons, on est en train d'écouter... on est en train d'écouter une série, je sais pas trop, on écoute Shameless ou on écoute ouais. Games of Thrones, puis là, ben, ah merde, c'est vrai, ce démo-là, ça m'intéressait, c'est 1,5 gig, tu sais. Ah oui. Ouais. Fait que là, je le pars, j'ouvre ma Vita, puis je pars ça, je pars le download. Ça, c'est tellement bien fait pour le monde occupé comme nous autres, genre, ouais. qui essayent tout le temps de faire deux choses en même temps sans que ça paraisse, là, <t'sais>. C'est vraiment l'idéal. Mais moi, j'ai hâte qu'ils fassent ça via Internet, que tu ailles sur un ouais. site, puis t'es lié à ton compte, ça fait comme paf, cela, ben oui, pars-moi le direct sur le online, sur le PlayStation Network, dans ton account, tu dis, pars-moi ça, tu sais, je veux l'avoir, oh, ça serait génial. Oui, parce que direct là, pendant iPhone, que le monde écoute notre podcast, tu sais, puis qu'on dit que les jeux sont bons, oui. Le monde pourrait downloader tout de suite, oui. Puis nous écouter, nous, les dieux du podcast québécois. Mais c'est vrai que ça serait cool, tu sais, ben oui. Puis c'est juste ça, le téléchargement, moi, c'est ça qui m'arrête à certaines démos, parce que même là, il y a Mass Effect 3, là, ouais. Le démo, là, je pense qu'il est comme 1,8 gig. Ah ouais. Tu sais, c'est énorme. C'est gigantesque. Ouais, là, je vais downloader le démo, puis là, je vais avoir downloadé le démo, je vais avoir pris une énorme partie de mon forfait de Vidéotron. Ben, ça, c'est une autre affaire. Qui me fait chier. Ben oui. Puis là, après ça, je vais essayer le jeu. Tu sais, déjà, j'aimais pas le 2. C'est pas mon genre de jeu. Mais le 3, je me dis, bon, je vais réessayer. Je vais bien voir. Mais non, c'est parce que ça va m'enlever 2 gigs, moi, là. Ouais. Fait que des fois aussi, il y a cette question-là que tu te dis, ben, OK, non, j'irai pas pogner ce démo-là. Tu sais, ouais. Tu laisses faire. Puis dans le fond, ouais. Tu passes à côté de quelque chose, tu sais. Fait que ça, moi, je trouve ça bien déplorable. Ça serait le fun que ça soit tout de suite, maintenant. Ah, ça va venir avec le cloud, là, je pense. Ah ouais, j'imagine. Puis on a eu des ouais. commentaires là-dessus. Ouais, on va passer Facebook, à travers Twitter. Un peu les commentaires, ce que les gens nous ont écrit par oui. rapport aux démos. Moi, ici, dans Twitter, j'ai un petit instant. Martin Hull qui dit « Moi, j'aime oui. bien. Au nombre de jeux qui sortent chaque mois, ça nous aide à faire un choix. On peut pas jouer à tout. » Ben, tout à fait raison. Ouais, en fait, à chaque fois qu'un démo de jeu est disponible, tu sais, c'est clair que je vais jouer au démo oui. avant d'acheter le jeu. Là. S'il y a un démo, je joue au démo. Là, oui, c'est sûr, là. Moi, sur Facebook, il y a Charles Goudreau qui dit « J'aime bien ceux sur PSN. C'est toujours agréable de pouvoir essayer un jeu avant de l'acheter. Malheureusement, des fois, c'est un démo de 2-3 gigs, comme ouais. on disait tantôt. » Qui, après le long download, s'avère être vraiment pourri comparé à un autre démo qui va prendre genre 100 megs. C'est vrai. Tellement d'accord. Là. Ah ouais, c'est clair. Hey, ici, j'ai Damien Boudreau de Fun Jouer Jeu. Salut oui. Damien. Hey, salut on, Damien. On parle souvent de Dan ou de Joël. Oui. On parle jamais de Damien. Caline. Salut Damien. Tu fais un bon job. C'est un solide Damien. C'est bien cool. Tu fais de la bonne job, man. Alors, il dit perso, je trouve que c'est comme une bonne annonce d'un film. Il arrive que ça représente bien le jeu et parfois non. Donc, ouais, comme on disait tantôt. Comme on disait tantôt. Et puis il rajoute « Et c'est rare que j'essaie un démo, surtout par vacheté. » Donc, par vacheté? Ça doit vouloir dire qu'il est comme trop vache, tu sais, pour ouais, downloader le démo parce que c'est fucking long. Ça fait qu'il n'a jamais le courage, là, tu sais. Il y a un mousse Facebook encore. Il y a Pierre-Luc Racine qui dit « Vous souvenez-vous de l'époque où tu pouvais les acheter pour 1$ au Radio Shack? » Ah oui, on peut acheter des démos. Aïe, je me souvenais pas de ça. Ça, c'est fort. Il dit maintenant, les démos sont des musts pour moi. Un jeu iPhone qui a une version light, si c'est pas trop mauvais, je risque de l'acheter. Y a-tu des démos pour les jeux iPhone? Oui, oui, ben oui. Il y a des versions light. Ça coûte combien, ça, 20 cents? Ben, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Version light, c'est gratuit. Ah, OK. Puis après ça, la version payante, ben, 99 cents. D'accord. Des fois, c'est 4,99. Mais c'est ça qui est le fun. Les versions light, la plupart du temps, en donnent beaucoup. Moi j'en ai fait une avec le premier jeu que j'avais fait, iStars Hockey. Mm-hmm. On avait fait une version light, puis c'est drôle, on recevait des emails de gens qui nous demandaient « Hey, est-ce possible d'avoir la version complète, mais genre pas payante? » Fait que tu sais, le monde, anyway, devienne vraiment radin. Les gens, c'est comme « Ah, je le veux tout, pas cher, rien. » Fait que on trouvait ça drôle. Mais il dit justement, bien plus que de prendre une chance d'acheter un jeu qui n'a pas de début, c'est ça, tu sais, c'est quand même bon d'essayer les versions light là, sur iPhone parce que c'est là, puis après ça, ben, tu peux débarrer le jeu complet par un in-game purchase. Oui, absolument. Qu'est-ce que j'ai, moi, ici? Jonathan at Renko, avec de 2 underscores, qui dit « Pratique, mais ça permet pas de savoir ce que vaut un jeu sur plusieurs heures. » Ça, c'est vrai. Luc Moreau à El Moreau. Je suis content de voir qu'il continue de nous suivre, même si j'ai bâché sur Resident Evil. Il dit « J'adore, ça me permet d'économiser des fois. Par contre, ça m'appauvrit quand je découvre des gems. » Ah, oui. Ça, c'est la game. C'est vrai. René Cadieux, Big Baden GF, mais oui, que j'ai vu dimanche dernier. Je le souligne parce que j'ai publié sur notre blog la photo avec tout le monde. Tout oui, tout, oui. Je l'ai oublié. Après ça, je l'ai corrigé. Lui-même, il me l'a fait signaler. Mais alors, justement, hey, Big Baden, pendant qu'on est là, j'aimerais ça que tu nous expliques ton name tag. Oui, hein? Parce qu'il n'y a pas une Big Baden à ce que j'ai vu. Parce que ça serait Big Baden GF. Il y avait un gros manteau, ça cachait tout. Oui, c'est-tu Big Baden Girlfriend? Parce que GF, c'est quoi ça veut dire? T'sais, c'est grosse face, je sais pas. Il faut vraiment qu'il nous explique ça. On va est perdu. Savoir. Mais lui, il dit, à mon avis, les démos sont très utiles puisqu'ils nous permettent. Ah, je pensais que je venais juste de lire. Puisqu'ils nous permettent d'essayer des jeux que parfois on n'aurait jamais osé. Donc, cela peut être bénéfique. Bien sûr. C'est vrai. Et pour moi, il y a d'autres. J'en ai deux autres. Il y a Min Vovan qui nous écrit « Les démos sont un bon moyen de pouvoir découvrir un peu le jeu avant de l'acheter. Ça m'a permis d'essayer certains jeux que je n'aurais jamais achetés. » Pareil pour moi. Il y a Mathieu Lamarre qui dit « Une très bonne affaire, les démos, mais j'ai la vague impression que les démos sont à veille de devenir payants. J'ai comme un mauvais pressentiment. » Ça dépend, tu sais, si c'est un démo de EA, jamais, jamais que je paierais même une pièce, je pense, pour un démo payant, tu sais. Ça serait comme jeter tes pièces par la fenêtre, tu dis, le jeu est 10 pièces, je paye une pièce. Ben si jamais j'aime ça, le jeu devient 11 pièces, sinon je paye une pièce. Moi, jamais que j'embarquerais là-dedans. C'est ridicule. Ouais. Moi, j'ai Alex Meunier qui dit « Utile pour savoir comment le jeu est fait. Bon contrôle, problème de caméra. Est-ce le genre de jeu auquel je veux jouer? » Effectivement, ça permet de tester les contrôles immédiatement. Oui. Ça, c'est très bon pour ça. Sauf que des fois aussi, les démos t'enlèvent certaines options, tu sais. Des fois, tout le temps, ils t'enlèvent des options. Fait que des fois, tu peux pas changer les contrôles. Des fois aussi, tu peux pas tu peux pas faire des affaires aussi simples que lever le volume, baisser le volume. Tu sais, c'est pas toutes les démos qui sont bien faites. Il y a des démos qui sont bien faites, puis il y en a d'autres qui sont très mal faites. Ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est les démos qui sont restrictives, comme entre autres celle-là de Twisted Metal, que c'est juste le multijoueur. T'as pas la campagne solo. Ah, ça, c'est pareil pour Pixel Junk Shooter 2. Oui. J'étais en tabarnak, c'est weird. Je voulais jouer tout seul, tranquille, parce qu'anyway, je suis tout seul, moi, dans ma vie de gamer à maison, puis je pouvais pas. Puis là, il fallait que je joue contre un autre. Puis là, il m'a torché, puis là, je savais pas où aller, tu sais. T'as fait « Fuck this game ». ».« Fuck this game », sans joke, mais j'ai eu vraiment pas une bonne expérience d'un jeu que j'aurais probablement acheté, tu sais. Ouais. Là, ça m'a jeté dans le champ, man. Je savais plus quoi faire. Ben, des fois, ils sortent deux démos. Ils sortent le démo de la campagne solo puis le démo du multijoueur, tu sais. OK. Fait que des fois, c'est deux démos séparés, mais malgré ça, comme moi, Twisted Metal, ça l'a tué pour moi, là. Mm-hmm. Parce que je suis pas un gars qui joue énormément multijoueur, ça m'arrive, mais j'aime décider, OK, ce jeu-là, je vais jouer multi, puis ce jeu-là, je vais jouer solo. Puis lui, je jouais, fallait que je joue multi contre du monde qui sont vraiment bien meilleurs que moi. Ouais, c'est souvent le problème. Il n'y avait pas de filtrage dans les chambres où il y avait du monde. Ouais. Fait que là, je rentrais là-dedans, mon gars, je me faisais torcher. Fait que c'est sûr que j'avais pas de fun, tu sais. Ben ouais. Fait que Je sais pas, tu sais, c'est pas la meilleure façon de faire. Non. Fait que, anyway, pour ben, moi, les final, démos, oui. Ben oui. Ben oui. Absolument, une chance qu'il y en a. S'il y en avait eu dans le temps du NES, au moins, j'aurais sûrement pas acheté Yubili. Héros et vilains. Cette semaine, ce sera un vilain, mon cher Bruno. Puis, pour faire suite, pour rester dans l'univers du Mario, on va parler de Waluigi. Ah, Waluigi! Qui n'est pas une création de Shigeru Miyamoto. Ah. Non, pas du tout même. Okay. Il a été créé par Fumihide Aoki. Fumihide Aoki. Ouais. Ça, c'est un employé de Camelot Software Planning. OK. C'est, ça, c'est une compagnie qui a été surtout connue pour avoir fait des spin-offs avec Nintendo. Donc, la série des Mario Tennis, des Mario Golf. Et ils ont aussi travaillé sur des séries de RPG vraiment bonnes comme Golden Sun. Oui, Golden Sun, c'est un des derniers RPG que j'ai joué. Ah ouais, pour vrai? Je jouais à ça sur Game Boy Advance, puis je trippais solide. Là. C'est un de mes meilleurs jeux. Ah ouais, j'ai jamais essayé. Très bon. Ben, d'ailleurs, pour que moi je joue à un RPG. Ben ouais, c'est ça que je me dis. Ça doit être vachement agréable. Ouais, en pendant fait, mon voyage de noces, man, c'est vrai. Ah ouais? C'est le jeu de mon voyage de noces, Golden Sun. Wow. Tu dis que je suis vieux. C'est moi. Ton voyage de noces, grand-papa. Bon, ils ont aussi travaillé sur Hot Shots Golf au PlayStation, entre autres. Mm-hmm. Fait que c'est une bonne petite compagnie, tu sais. Oui, vraiment. Et puis, la voix de Waluigi est faite par Monsieur Charles Martinet. C'est le même que Mario. Le même que Mario, le même que Wario, que Luigi, puis de Toad. Et puis, lui... Est-ce que t'as des voix qui se ressemblent quand tu penses à ça? Ouais, hein? J'étais dans mon char l'autre fois, puis je les faisais, puis j'étais comme... Ils sont toutes pareilles, là. T'sais, Mario, c'est vraiment comme « Haha, Mario! » Ouais. Puis tu sais, les autres sont pareils, Toad, c'est pareil, il est aigu. Waluigi puis Wario sont durs même à séparer l'un de l'autre. Ah ouais, t'sais. C'est clair. Hein, il y en a un qui est plus nausillard, l'autre qui est plus, tu sais, Waluigi est comme « Ah! » Puis Wario est comme « Ah! » Ouais, il est plus « Ah! » Ouais, c'est gorge, ça. Hein. Il y a grind un peu plus dans la gorge. Il y a du grind dans la gorge. Ah ben, il fait ça depuis 1994, donc c'est vraiment lui la voix là, des personnages de Mario depuis un méchant en bout. Donc, en général, Waluigi est considéré comme une merde. Oui, personne ouais, les gens l'aiment Waluigi, pas, hein? Puis c'est pas, on l'aime pas parce qu'il est un pas fin, t'sais. On l'aime pas parce qu'il y est pas, finalement. Puis ça, c'est un personnage qui, dans sa tête, là, dans son descriptif, on dit qu'il trouve que ça va bien pour tout le monde sauf lui. Ouais. Il est comme ben, il haït tout le monde finalement. Là. Avant, il était plus dans ses premiers jeux, il était vraiment dark, tu sais, puis comme plus sinistre un peu. Ouais. Mais de plus en plus, puis aujourd'hui, il s'en sert comme comic relief. Ben, c'est comme le Goofy de Nintendo, il est devenu je trouve. Goofy un peu. Ouais. Au début, il était comme sur le bord d'un très méchant, tu sais, puis Aster, c'était un peu une guenille là, de gars. Là, ouais. De gazeux, là, un t'sais. Grand slack. Non, ouais, c'est clair. Fait que c'est un gars qui se fâche facilement puis il est très mauvais gagnant et mauvais perdant. Et puis, quoi d'autre ici? Wario et Waluigi travaillent ensemble là, souvent pour faire le trouble, mais ils ne sont pas des frères. Parce qu'on pourrait penser, tu sais, puis moi-même, je me demandais, parce que Mario et Luigi sont des frères, Wario et Waluigi sont des frères. Il paraît que sur un trophée dans Super Smash Bros. Melee, ça dit que ce n'est pas confirmé que les deux sont des frères. Oh! Je sais pas si t'as déjà joué assez à... Oui, mais j'ai pas été assez geek fini pour lire sur les trophées. Absolument, c'est ce que je me disais. Donc moi, je l'ai pas vu pendant tout, là. Puis c'est ça. Donc beaucoup de monde aussi, et moi le premier, trouvait que Waluigi, c'était de la merde parce que, tu sais, t'as Wario. Là, ils mettent le M à l'envers, ça fait un W, puis ça fait War, tu sais, ça fait guerre. Wario, tu sais, ça marche, Mario, Wario. Là, Luigi, Waluigi, t'es comme, tu sais, t'as juste... Mais attends. Moi, je trouve que c'est son nom qui est de la merde parce que le bonhomme, moi, en tout cas, c'est peut-être juste moi dans la vie, mais moi, je l'aime. Ben, moi au aussi. Tennis, je prends tout le temps Waluigi, moi. Oh, ouais, ben moi avec, mais on en parlera plus tard. Ouais. Mais écoute, c'est pas aussi simple que ça, le Wa, là. T'sais, c'est rien que parce que c'était Wario. Ah, ouais. Non. Excusez. En fait, ça vient d'une étymologie japonaise assez complexe. Alors, je vais vous expliquer ça du mieux que je peux. Au Japon, le R et le L font le même son. Alors, Luigi peut être prononcé Ruigi. Et puis, Waluigi, donc, peut être prononcé Waruigi. Waruigi est un mélange de Warui et puis de Ruigi. Warui, ça veut dire mauvais ou evil, tu sais. Ce qui fait de son nom Evil Luigi. OK. Warui peut aussi être considéré comme une. Comment est-ce qu'ils écrivent ici? Une apology condescendante. Oui. Tu sais, comme l'arrogance. Là, oui, vraiment. C'est un arrogant. Mm. Puis Waruigi est aussi un anagramme du mot japonais Ijiwaru, qui veut dire quelqu'un qui est mauvais ou qui a un mauvais esprit. Ah! Fait que, tu vois, il y a des petites twists dans son okay. nom pareil. OK! En japonais, ça veut dire beaucoup plus que juste ici en Amérique. Waruigi. Ça arrive souvent, ça. En ouais, japonais, il hein. y a une signification ici. C'est clair. Fait que aussi, Waluigi, et puis il y a une certaine histoire avec Daisy. On s'est mis à les voir. Les deux sont apparus en même temps dans la série, dans les séries de Mario. Oui. Et puis, ils sont tout le temps un peu collés ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ah, c'est ça. Dans les séries Mario Football ou Mario Baseball, tout ça, basketball, ils bougent de la même façon. À ce qui paraît. Moi, j'ai pas joué à ces séries-là, là, mais ils bougent vraiment de la même façon. J'ai jamais remarqué. Moi, je suis un gros fan de ces séries-là. Puis, Ah ouais? Ah oh, ben, c'est... Ben, moi, les... C'est moi, ça les... qui était écrit, là. Ben, les jeux de sport de Nintendo, moi, je les aime bien. Là. Ouais. Petit quickie, ça fonctionne bien. Ben, il y aurait eu une relation romantique avec les deux, là, un peu. Là, ça dit ici, dans Mario Party, ils ont les mêmes noms d'équipe comme Awkward Date, Double Faces, okay. Puis les Skinny Stars, là, tu sais. Awkward Date. Awkward Date. Et puis, dans le livret, c'est ça? Ouais, dans le guide de Mario Party 4, ça dit que Waluigi aurait eu comme un crush sur Daisy, ce qui fait le trouble dans le party. Là, ouais. Ouais. Et puis, ça dit aussi que... qu'est-ce que ça dit? Excusez, hein, j'ai pas eu le temps de relire tantôt. Ça dit que Waluigi, c'est ça, il est pissed off tout le temps comme Wario, mais il est quand même un soft spot pour Daisy. Là, ah. Ça fait qu'à travers les livrets d'instruction, puis la façon dont ils sont tout le temps un peu ensemble dans les jeux, puis ils sont tout le temps présents, puis bon, c'est Luigi. Daisy, c'est la date de Luigi. OK. En vrai, là, ça ben, serait ça. Ouais, Daisy, ouais, ben par défaut, par oui, défaut, mais... Ça, elle a été créée pour ça. Ça n'a jamais été clair. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça serait ça, dans le fond. Okay. Puis ça serait normal que Waluigi ait un certain kick dessus. Ah bon. Ouais. Mais Waluigi n'a jamais été dans une grosse série de Mario. Non! Comme principal antagoniste, là, ou même protagoniste. Mais moi, je pense là, qu'ils n'ont pas donné son jeu parce qu'il n'est pas populaire dans les focus group. Ouais, c'est ça, là, tu sais, personne l'aime vraiment, ouais. Personne le trouve cool, là, ça fait qu'il donne rien. Là, ouais. Fait que je vais parler juste ici de son premier jeu. Il est apparu dans Mario Tennis à l'an 2000 ouais. Sur le Nintendo 64. Et puis, je vais raconter l'histoire vite fait. Il y a un match de tennis. Il y a un tournoi de tennis. C'est merveilleux. Mario et Luigi sont en finale. Tout le monde trippe. Puis Wario et Waluigi sont sur le side, eux autres, puis sont en tabarnak de ne pas avoir été invités au tournoi. Ça fait que là, ils sautent dans la place, tu sais. Puis là, ils disent « On veut jouer ». Là, Luigi, il se met à rire de Waluigi. Fait que là, Waluigi pogne les nerfs, là, tu sais. Là, tu vois que les deux vont se battre, tu sais. Puis là, Mario veut intervenir pour les séparer, mais Wario, il en empêche. Fait que là, la merde va pogner entre Luigi et Waluigi. Mais là, soudainement, Bowser, il tombe du ciel, bang. Là, il dit, moi aussi, je veux jouer au tennis. Fait que là, finalement, tout le monde cheers. C'est comme, yay, on va faire un tournoi de tennis. Ah, avec, c'est tellement monde, imbécile comme histoire. C'est arrivé comme ça. Très drôle. Et puis, j'ai un peu de trivia ici. Sur okay. Waluigi. Il y a eu un jeu Monopoly Nintendo, puis Waluigi, c'était l'avenue de la Méditerranée. Donc, celle-là qui vaut le moins cher. 60$. Le plus cheap des plus cheap. Fait que c'est ça. Puis même si c'est le sidekick où ben, il est bien chummer avec Wario, il n'a jamais été même dans aucun jeu de Wario non plus. Aucun okay. WarioWare, ni rien, ni rien. Dans New Super Mario Bros. Wii, il paraît que dans le monde 9-8, ben un peu partout dans le jeu, ouais. Mais surtout dans le 9-8, il y a des scènes qui sont placées en L inversé. Oui, c'est vrai. Et le logo de Waluigi, ça, dans le fond, L inversé. Et puis, dans Super Smash Bros. Brawl, J'ai jamais joué, mais ils l'ont ramené avec une raquette de tennis. Exact. Avec une raquette de tennis. Ben, oui. C'est vraiment un clin d'œil à son premier jeu. C'est ça. Moi, ça, je trouve ça super cool. Ah ouais, c'est vraiment cool. Il y a plein de monde qui ont joué à ça. Ça dit, ouais, ils ont une raquette de tennis. Mais j'ai l'impression que c'est ça, Nintendo travaille là-dessus des fois, là, tranquillement. C'est des affaires. C'est comme Kid Icarus, ils l'ont ramené dans Mélie, puis. Ben, tu sais, Kid Icarus, quand même, il est loin, là, tu sais. Oui, il vient vraiment loin. Waluigi, c'est une création contemporaine cheap, genre, pour patcher un trou, tu sais, genre... Ah, du moins, c'est ce que tout le monde se dit, mais Charles Martinet, lui, il trippe dessus ben raide, là. Il dit qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un jeu Waluigi. Oui. Fait que c'est ça. Bon, là, ici, de 2000 à 2012, j'ai la liste de tous les jeux que Waluigi a été dedans. Là, je vais peut-être pas toutes les passer parce qu'il y en a un méchant paquet, là, mais ça inclut toutes les Mario Party. Pas le 1 ni le 2. Toutes les Mario Party. Mais c'est toutes les Mario Party. Sinon, j'imagine qu'il y a pas mal de jeux de sport Mario, là-dedans. Tous les jeux de sport. Tennis, ouais. Golf, le karting, quoi d'autre? Il y a eu un jeu de basketball sur la DS. Ça s'appelle Mario Hoops. Ouais, j'ai fait la critique de ça. Il y a des personnages de Final Fantasy là-dedans. Ouais. Genre le White, puis le Black Wizard, finalement. Exact. Ben, c'était un merge entre Nintendo et Square Enix, ce jeu-là. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Oui, c'était vraiment cool. Et puis, quoi d'autre? Le Mario & Sonic à Olympic Winter Games. Ouais. À chaque fois qu'il y a bien du monde, là, il est là. Ben, c'est ça. C'est parce qu'eux autres, ils ont besoin de plusieurs personnages. Fait qu'à un moment donné, les héros de Nintendo, il n'y en a plus, là. Ouais, c'est ça. Ben, ils étaient tous dans Super Smash Bros. Le dernier, qui est Brawl, effectivement. Il y en a quand même un paquet, là. Mais c'est ça. Mais pas, donc, pas mal tout. Mais pour revenir à ce que tu disais au début, moi aussi, je l'aime, on dirait. Parce que moi, j'aime les underdogs, tu sais, puis les mal-aimés. Donc, je le prends, tu sais, puis je sais pas, là, je l'haï pas, tu sais. Ben, je le trouve plus cool que Wario, moi. Ouais, moi aussi, Wario, c'est un... Je sais pas, il est trop gros. J'aime ses... j'aime pas ça. Je le trouve un peu bêta. Ben, moi, j'aime ses jeux. Comme tous les jeux de Wario, je les aime super gros, là. Ouais. Mais comme personnage, Waluigi, je trouve qu'il pourrait tellement faire un bon... Nemesis, tu sais, je le verrais comme boss de la fin un moment donné ou, tu sais, avec des plans machiavéliques contre... Tu sais, j'aimerais ça, à la limite, là, que ça soit le Nemesis à Luigi une fois pour toutes puis qu'à un moment donné, on ait un super, super Luigi Bros, tu sais. Ouais. Quelque juste chose Luigi genre contre Waluigi. Un monde alternatif, mon gars. Peach est pas là, c'est juste Pauline qui est là. Un méga... Daisy. Ouais, Daisy, tu sais, mais tu mets juste les underdogs de Mario. Le monde, on finit par les aimer. Ah ouais, ça fait... Ben ouais. Et en plus, ça rentrait de l'argent, ça serait... Ben oui, ça fait rentrer de l'argent. Puis c'est encore du bon recyclage de Nintendo qui nous donne les mêmes héros depuis, depuis des années. Mais Waluigi a besoin de son jeu. Ouais. Ça va faire. Ça serait... On serait dû. Le truc. Mon truc cette semaine, c'est pas tant un truc qu'on fait, mais c'est plutôt... C'est l'ordre. Je sais pas comment dire. C'est ridicule. OK. Bon, je pense que je vais faire ça pour une couple d'épisodes, ou du moins de temps en temps. Je vais vous donner l'ordre dans lequel il faut battre les Robot Master dans tel ou tel Mega Man. Et puis, cette semaine, je vais le faire avec Mega Man 9. Oui. Parce que c'est à la portée de tout le monde. C'est disponible, ça, sur le PlayStation Network et sur le Xbox Live. Exact. OK. Bon, Wii aussi. Et sur WiiWare aussi. Donc, c'est Next Gen All the Way pour ce merveilleux jeu rétro. Totalement. Qui est fait pour les hommes. Oui. C'est vraiment pas facile. Pas évident. Non. Alors, voilà, je vais vous aider. En premier, il faut faire Galaxy Man. Après ça, Joel Man ou Jewel Man. Jewel Man, oui. Jewel Man. Joel. Joel Man. Mais Plug Man après. Plug Man. Tornado Man. Magma Man. Hornet Man. Et puis on finit avec la Splash Woman. Ouais. La première chick de robot qui est un robot master, mais ça. Ouais. Oh oui, c'est la première fois. Alors faites ça dans cet ordre-là et ça va bien aller. Et je vous souhaite bonne chance parce que il est quand même pas mal dur. Mais c'est ça, ça va peut-être pas bien aller. Non, ça va pas bien aller. Peut-être que ça va aller super mal. Puis que vous allez être poche. Puis que vous allez mourir super souvent. Vous allez souvent. Mourir, là, mais soyez fort. Les gamins nous aiment pas dans celle-là, là, vraiment. Non, Capcom nous aime pas dans celle-là. Là. Mais il est méga rétro. En plus, tu peux même pas glisser dedans, je pense. Puis tu peux même pas craquer ton méga Buster. Ah, c'est le début, vrai, là. Rien, là. À la limite, c'est le premier. C'est vraiment le premier. Mega Man 1. Mm. En tout cas, moi, je vais vous donner des trucs qui ne requièrent pas à être bon dans un jeu. Bon. Il y a un de nos fans qui nous a rappelé, c'était Nicolas Véro, je pense. Ouais, tu checkeras ça, je vais commencer ça, mais qui nous avait rappelé qu'il y avait eu un excellent article sur le blog de PlayStation, des trucs sur la Vita, des petits trucs bien intéressants. Moi, j'en connaissais une couple, mais j'avoue que ça m'en a fait découvrir d'autres. Pour commencer, un bon truc, tenir le bouton PlayStation pour ajuster la luminosité. Tu pèses dessus pendant un certain moment, puis tu as un panneau qui apparaît, puis là tu peux régler la luminosité dans n'importe quand. Okay. Moi, ça m'aide souvent parce que je joue souvent dans mon lit, fait que quand c'est bien bien lumineux, ça éclaire la chambre, ça éclaire tout le monde. Tout le monde, je veux dire ma femme, personne d'autre dans ma chambre. pour faire un backup, si vous avez bien peur de perdre vos affaires, vous pouvez brancher votre Vita sur votre PS3 puis choisissez l'option backup dans le Content Manager. Donc, vous pouvez faire un backup de tout ce qu'il y a sur votre machine. Ouais, si vous avez, encore faut-il qu'il y ait de l'espace pas mal sur ta PS3. Ouais, exact. Pour mettre tout ce matos-là. Hein. C'est ça. Mais tu sais, ça peut être bon pour les gens qui ont juste une 4 gigs puis qui ont besoin de libérer de l'espace, ouais. Qui ne veulent pas re-télécharger les jeux. D'ailleurs, moi, je vais le faire bientôt parce que j'ai une 4 gigs. J'ai toujours pas acheté une autre carte et je vois pas le besoin d'en acheter une autre. OK. Fait que je vais probablement le faire bientôt. Vous pouvez peser sur le bouton PlayStation et Start en même temps pour faire une photo de l'écran. Ça peut être la fun quand même. C'est drôle, ça. Ouais, cool. C'est vraiment cool. Puis pour améliorer la qualité des jeux PSP, vous pouvez peser et laisser votre doigt sur l'écran tactile. Puis il y a un menu de settings qui va arriver. Okay. Qui va permettre de régler certaines choses pour augmenter la qualité des jeux de PSP. Qui est très, très, très bien. Pour changer votre panneau de profil, vous pouvez aller dans Settings, PSN, Account et Panel pour un assortiment de design de jeux de Sony. Fait que vous pouvez avoir votre panneau quand vous allez voir vos amis, vous pouvez avoir un design de patapon ou des trucs comme ça. Fait que c'est super le fun. Je vais aller le faire, je ne l'ai pas fait encore. Remote Play, un peu comme je disais tantôt, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez accéder à votre PS3. Mais, une affaire que je savais pas, c'est que sur PS Vita, les jeux de PlayStation 1, il n'y en a pas encore. Okay. Mais si on joue via notre PS3, on peut jouer à tous les jeux de PS1 via notre Vita. Fait que là, tu es dans ta Vita, tu logons ta PS3. Ouais. Puis tu peux jouer aux jeux de PS1 que toi-même tu as downloadé en dans ta PS3. Là. Dans ta PS3. OK. Mais on peut pas porter, on peut pas amener les jeux de PS1 direct dans le fond. Pas encore. Faut passer par. OK. C'est ça. Hmm. Fait que moi, j'ai vu ça aujourd'hui. Je vais essayer ça bien vite. Hey, tu vas pouvoir t'acheter le bundle de Crash Bandicoot là, qui est présent présentement, je pense. Là, pas cher, mais je vais pouvoir en jouer surtout à One que j'avais re-téléchargé. Ben, là, il va falloir que tu me dises que c'est. J'ai fait des recherches tantôt. Ben, il est tough à trouver, mais tu cherches One PS One, tu vas le trouver. Ben, j'ai regardé puis j'ai rien trouvé, Bruno. Ah ben, maudit! Mais vous pouvez jouer aussi à quelques jeux de PS3, dont Pixel Junk Monster, Pixel Junk Eden et Peggle. Fait que ça peut être assez le fun. Ça augmente votre vie de Vita. Et puis, si vous aimez pas la musique du menu, comme plusieurs personnes, parce que ça ressemble à la musique de la cantine dans Star Wars, vous allez dans Settings, Sound and Display, System Music, puis vous arrêtez ça, paf, fini la musique. Plus de musique. Fait que t'as juste le choix entre musique de merde et pas de musique. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux pas choisir d'avoir une autre musique. Imagine dans ton si menu. Tu fais genre mettre un MP3 en quelque part et dire ça va être ça. Hey, ça là, serait écœurant. Girls, girls, girls de Motley Crue. Ouais. Hein. Girls, girls, girls. En quoi je vais jouer, là, patapon? Wipeout Girls! Ça serait malade. Le jeu souvenir. Ouais, ben ok, ouais. Écoute, le jeu souvenir aujourd'hui, un jeu très mal aimé de tout le monde. Là, je pense qu'il s'agit du premier jeu des Ninja Turtles au Nintendo. Donc Teenage Mutant Ninja Turtles. Il était également, écoute, mon premier jeu de NES à vie avec Bayou Billy. Parce que je me souviens plus à cet âge-là lequel j'ai ouvert en premier à Noël, tu sais. Mais j'étais déçu égal pour les deux, là, je vais te dire. Non, moi, j'ai possédé ce jeu-là, puis étant un enfant, j'ai rushé en salle là, pour commencer à jouer, puis où aller, tu sais, c'est très... un bordel, là. Tu sais vraiment pas où aller au départ. Toi, t'as commencé à jouer à ça, genre... L'avais-tu, moi, ce jeu-là? Moi, ce jeu-là, je l'avais parce que j'étais un énorme fan des Ninja Turtles. J'avais les comme figurines, le monde, hein? J'avais les céréales, j'avais les posters. Je capotais là-dessus, fait que... Veux pas, j'avais juste vu le cover du Nintendo Power avec les Ninja Turtles. Ah ouais, c'est j'étais clair. Vendu d'avance. Là, j'ai... Ah ouais. Puis Ultra, dans ce temps-là, c'était cool. Toi, t'aimais ça, hein? Moi, j'aimais ça, toi, tu Ultra, considérais j'aimais ça comme ça le greatest hits de Konami, tu sais? Oui. Mais ben, c'était un petit peu ça, mais il y avait des jeux moins bons aussi. Ben, tu sais, Metal Gear de Ultra, je l'ai aimé. Et t'sais. Snake's Revenge. C'est ça. Aussi, ouais. Fait que, tu sais, je me suis dit... Roller ben, Games, toi, t'avais aimé oui, ça. Oui, oui. G-Rush, je l'aime moi, j'avais encore. Moins aimé ça. Mission Impossible, j'avais moins aimé ça. Ouais, Mission Impossible, c'était pas mais bien c'était un bon. Jeu quand même con. En tout cas, ouais. Mais oui, pour revenir à Ninja Turtle, moi, j'ai eu ça à cause que je trippais sur les Ninja Turtles, puis je me souviens que quand j'ai joué, comme je disais l'autre fois, c'est que quand on est jeune, là, on peut se permettre de jouer à n'importe quoi, puis on n'a pas de jugement. Non, pas trop. Fait que tu sais, je me souviens que je rushais, puis j'étais vraiment frustré, mais comme à Kid Icarus, je me demandais si c'était juste moi qui avais un problème. Ouais, je me disais comme, OK, j'étais pourri à Kid Icarus, j'étais vraiment pas bon, je suis pas bon à Bayou Billy, puis là, je suis pas bon au Turtle. Christy, je suis mauvais joueur, tu sais. Ah, c'est clair. Fait que là, tu continues, mais finalement, tu t'aperçois que c'est peut-être le jeu qui a un problème. Ouais, ben c'est quand tu te mets à en parler à ton entourage, tu sais. C'est comme, c'est un sujet très sérieux, faut que t'en parles. Mais où que tu t'es rendu à ce jeu-là, là, toi, oh, mon gars, là, sans Game Genie, sans rien, là. Sans Game Genie, là, je me souviens que je suis sur une map à l'extérieur, après le tableau de l'eau. T'es encore comme dans la ville, dans des espèces d'appartements. Là. Ouais. Après ça, il y a toujours un moment où je sors de cet appartement-là puis je me retrouve sur l'espèce de petite map vue de haut. Ouais. Ça, c'est un labyrinthe, là. Ouais, tu c'est jamais ça. Sorti de là. Je meurs là, à toutes les fois. Puis, tu sais, comme le je sais que la fin, c'est le Technodrome, là. Ben, moi, je l'ai juste vu en image. Ah, c'est pas la fin, le Technodrome. C'est pas la fin? Ah, non. Ça, parce que toi, t'es rendu là. Le boss, le labyrinthe... Il y a combien de niveaux en tout? Attends, on va les énumérer. T'as le premier, t'as le deuxième, c'est le barrage. Ouais. Le troisième, t'es dans l'eau. Quatrième, t'es dans la ville. Ouais. Après ça, t'es dans une genre de... On dirait une cour arrière d'une usine où est-ce qu'il fait noir. OK. Après ça, tu es dans le technodrome. Fait que ça fait 6. OK. Parce ah, que ben, tu, c'est pas tu pètes je te le technodrome puis tu rentres dans le technodrome. OK. Mais toi, moi, je me suis rendu à Fred, je me suis rendu dedans le technodrome. Donc, le dernier tableau, celui dont le Shredder est le boss de la fin, tu sais. Puis, sans joke, rejouer aujourd'hui, j'ai pas trouvé ça si dur de me rendre jusque-là. OK. Faudrait que je réessaye. Ton labyrinthe, moi, je le connais par cœur. OK. Je sais exactement où aller, le nombre de missiles que j'ai de besoin, tu sais. Je trouve ça super facile, là, dans le fond. C'est parce que c'est parce que, tu sais, j'étais patient quand j'étais jeune. Tu l'as fait à répétition, là, ouais. Mais, puis l'autre tableau après, qui est dans le noir, c'est super facile. Oui. Quand tu sais où aller. Ce jeu-là, c'est un jeu que quand tu sais où aller, il se fait très rapidement. Mais sinon, là, tu te perds, puis tu cherches, là, dans toutes les portes et toutes les trappes d'égout qu'il n'y a pas, là. Tu sais, oh, c'est horrible. Man, c'est tough, mais c'est parce que c'est pas rien que ça non plus. C'est les personnages. Ouais. C'est quoi ces moves-là, là, avec Colin, ça va mal, mon gars, ouais, ça va tellement mal. Tu sais, juste, moi, mon meilleur, ça a tout le temps été Leonardo. C'est Leonardo. Pas Donatello, moi, c'est Leonardo. Ben, avec ses katanas, je trouve écœurant. Puis là-dedans, là, les katanas, là, crime, on dirait des couteaux à beurre, ça fonctionne pas, ça va vraiment pas loin. Ouais. Raphaël, c'est inutile de l'utiliser. Ouais, c'est inutile. Là-dedans, le meilleur, c'est Donatello, à mon avis. Ouais. Ben, Leonardo, il a quand même une portée plus... c'est Donatello la plus grande portée, après Leonardo. Ouais. Après ça, Raph, ben, Mikey après ça, moi, je pense sont que c'est, pas mal c'est égal, Mikey qui est troisième. Là. Ouais, mais il va Mikey, quand même un peu plus loin. Il n'est pas capable de frapper au-dessus de sa tête. C'est comme si son nunchuck, il rebondissait dans son dos. Ça va pas à la verticale, tu sais. Au moins, Raph, sa saille est petite, mais quand il a fait flipper au-dessus de sa tête, ça c'est peut vrai. Toucher quelqu'un. C'est vrai. Donc, moi, mon pire, c'est vraiment Michelangelo, tu sais. Mais pour faire du tableau, normal, quand le monde sont pas trop tough. Ah, oui. J'y vais avec Leonardo, moi, avec, parce que quand il frappe en bas ou en haut, ça pique de loin, tu sais. Ah, c'est ça. Et c'est rapide. Oui. Donatello, ça torche et il tue tout le monde très rapidement. Il est vraiment puissant, mais son bâton, c'est long un peu avant que ça décoche. Ouais. Puis, il est pas capable de tuer les ennemis au sol. Leonardo, il est capable de le faire quand il frappe par en avant. L'épée a fait un arc. Ouais, c'est vrai. Mais Donatello, ça fait comme juste une ligne. Il faut que tu te penches. Puis ouais. Là, quand il se penche, il frappe par en bas. C'est comme, ouais, parce qu'il frappe par en bas. Ça frappe même dans le tableau. Là. C'est ça, pas en bas, en avant de toi, en bas, dans le plancher. T'sais. Donc là, c'est ça. Mais je trouvais, c'est ça. Puis en plus de ça, là-dedans, les ennemis, c'était n'importe quoi. Ah, là. Ouais, c'est ah, comme ouais. des espèces de bibittes weird dont tu te sacs. Un gars des en chess. Qui jump, le gars en chess. En chess de avec gars des qui pantalons explose. Roses puis une chaîne de ça. Oui. Il y a une espèce de. Un homme de, en scaphandre, là, tu sais, que oui. quand tu le frappes, il se duplique, puis il se duplique, là. Oui. Une espèce de Goldorak, là, aussi, que quand tu le tues, sa tête, elle part à voler, là, tu sais. Des ballons, du Footland, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Moi, des fois, je me dis des affaires demain, je me dis, OK, c'est parce que c'était deux, trois jeux au départ. Ouais. Ils se sont dit, ah, OK, il faut faire un jeu des Turtles, il faut le faire maintenant, parce que c'est maintenant que c'est populaire. Revenge of Big Wig, plus tôt, puis bung bung, puis on va faire un jeu. Ça va être Ninja Turtle, tu sais. Parce que ça donne l'impression de ça. Les ah, ennemis, oui. tu les as jamais vus nulle part. Ils n'étaient pas dans la série, t'as pas dans les comic book, ils n'étaient pas à TV. Il y a Bebop et Rocksteady. Ben, Bebop et Rocksteady sont là. Shredder est là. Splinter. April, parce qu'il faut que tu la sauves, tu sais. Oui. Le moyen Colin, ça se peut pas. Crank? Non, Crank, Crank son est nom? Pas. Il n'est pas là. Crank n'est pas là, c'est ça. Mais t'as un genre de robot métal, je pense. Une turtle en métal. Ouais, il y a une tortue en métal là-dedans. Quelque chose dans le même. Ouais. Le technodrome lui-même qu'il faut que tu battes. Ça, c'est drôle parce que tu te bats contre lui, il est à hauteur d'écran. Tu te bats contre le technodrome? Le technodrome lui-même, à grand coup de bâton sur le technodrome, tu sais. Mais un coup que tu l'as pété, tu rentres dedans. Puis là, tu sais, c'est comme un gros tableau, là, gigantesque, là, tu sais. C'est comme c'est des proportions, ben c'est vraiment niaiseux. C'est vraiment niaiseux qu'on se batte contre le technodrome, tu sais. Il est gros, man, comme une polyvalente, là, tu sais. C'est donc ben cave, ça, je savais pas ça. Ah oui. Mais moi, il faut qu'on parle, évidemment, ben du oui. tableau de l'eau avec ben oui. les fucking algues. Ouais. Hey, ça, là, ça, ah, c'est dur. Mais je pense que c'est ça, dans les si on pose la question à n'importe qui, c'est quoi le tableau qui t'a fait le plus chier de ta vie? Souvent, ce tableau-là, il va ressortir. Ah oui, souvent. Mais les tableaux dans l'eau, dans tous les jeux, oui. c'est tough de faire un tableau dans l'eau. Tu sais, même maintenant, là, les tableaux qui sont dans l'eau de n'importe quel jeu... Pas le fun, hein? Ça m'énerve. C'est jamais le fun. C'est jamais trippant, tu sais. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais là encore dedans, une fois, là, c'est un... Mais ça, c'est un peu aussi un labyrinthe où comme t'as 10 oui. bombes, il faut que tu les fasses dans ben... le bon ordre, tu sais, pour avoir assez de temps pour les faire. Fait que c'est de l'essai-erreur, là, tu sais. C'est au moins, ce tableau-là, il est pas trop loin dans le jeu parce que, tu sais, faut que tu meurs souvent avant de réussir ça, là. Ben oui. Donc, quand t'es game over, puis t'as plus continué plus rien, ben là, tu repars du début pour te rendre jusque-là. C'est pas un chemin trop long. Non, c'est fait ça. Fait que t'as pas trop de mal à recommencer ta game pour te réessayer dans l'eau. Ce qui m'a permis, je pense, de le réussir, tu sais, parce que si ça avait été loin, tu sais, imagine, il faut que tu refasses tout le jeu pour retourner t'essayer à la place où est-ce que c'est tough. Oh, ouais. Oublie ça, là. Mais non, c'est un autre jeu où est-ce qu'il y a bien... t'apprends les chemins, ouais. L'ordre des choses. Ah, faut que t'apprennes comment tout fonctionne. Puis aussi, faut pas que t'oublies où sont les Moses de pizza. Ouais. Parce que t'en as tout le temps de besoin, là. Ouais, mais c'est clair. C'est parce qu'on était habitué aussi dans ce temps-là à avoir des jeux qui nous donnaient énormément de chance, tu sais. C'était très permissif, tu sais. Mettons, les Mario... Je veux dire, t'avais tout le temps une vie, t'avais tout le temps quelque chose qui t'aidait à avancer. Ça, tu mourais, là, puis t'étais proche de la fin du tableau. Ben, de la merde, là, tu revenais au début du tableau complètement. Ouais, t'avais loin, pas de checkpoint ni rien de ça, puis c'était long, les tableaux, quand même. Ah ouais, c'était long. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça tellement frustrant. Je me souviens plus, y avait-tu un système de continue ou de password? Ouais, il y avait des continues, mais c'est drôle parce qu'ils te disaient pas combien t'en avais, tu sais. De genre, ça, c'est comme Blaster Master. En fait, il y en a trois, mais tu le sais pas. Tu dis, ah, continue, d'un coup, game over. Hein? Tu sais, même un 3 à côté, là, je vais savoir où aller. Tu sais, je vais comme me forcer quand je vais être sur le dernier, je sais ah, pas. Ah, c'est là. Chiant. C'est vraiment pas fin du tout de faire ça, tu sais. Colin. Mais il y avait les sub-weapons là-dedans, c'était intéressant. Parce que t'avais des oui. Ninja Stars que tu lançais une à la fois, oui. trois à la fois. T'avais les boomerangs. Ça, c'était cool, les boomerangs, parce qu'il y a un petit truc de main, tu peux les transférer d'une tortue à l'autre. Parce que quand tu joues, tu peux choisir quelle tortue que tu veux. Ouais, tu le pitches, puis tu changes de tortue. C'est ça, tu les lances, là, t'en lances une 5-6, là, tu changes de tortue, puis l'autre tortue va les pogner. Fait que les deux vont avoir c'est des boomerangs. C'est cool, ça. Très pratique. Mais écoute, la musique est vraiment le fun dans ce jeu-là. C'est super par exemple. Bonne, la musique. Il n'y a rien qui se rapproche de la musique des vrais Turtles. Tu sais, vraiment rien. Là. C'est la nouvelle musique. Là. Non, c'est ça. Même le thème des Ninja Turtles n'est pas dedans. Non, il n'est pas dedans. Fait que, mais la musique est très bonne. Le graphisme, c'est correct. Non, c'était cool. C'était bien correct. Puis, tu sais, ça se présentait bien. Puis, il y avait un peu aussi l'espèce de look de Metal Gear entre les tableaux quand Splinter parlait avec les Turtles, que je trouvais cool quand même aussi. Ouais, des cinématiques. Map, là. Puis, je trouvais ça le fun. Il y a plein d'affaires de jeux-là que j'aime. Bizarrement, c'est comme de l'amour-haine parce que oui. Je checkais ça, je me disais comme, il me semble, je l'ai acheté. Puis là, je suis allé voir sur ma Wii dans Virtual Console. Puis tu l'as? Je l'ai acheté. Parce que moi, quand je te connaissais à peine, notre ami commun, Seb, m'avait invité chez vous. Oui. Ben, tu t'avais permis que j'aille chez vous. Puis t'avais une Wii. Moi, j'avais jamais vu ça. T'sais. Puis j'ai même pas joué à la Wii en premier, t'sais, genre avec les manettes. Je m'en foutais. J'étais allé dans checker tes jeux de Virtual Console. J'ai vu que tu l'avais. Puis j'ai joué à ça de suite. Là, t'sais. D'ailleurs, t'étais rendu dans le deuxième stage. Là, ouais, c'est ça. Mais ouais, tu l'avais, ce jeu. Mais c'est ça. Je me souviens que. Tu l'as encore, d'ailleurs. Ouais, j'allais encore. Puis je suis en train de me demander si la game qui a été mise sur pause, c'est pas celle-là que ça doit être la mienne. Ben, je me souviens que je l'ai acheté. J'ai joué, puis j'ai fait comme tout, j'ai fuck this game parce que j'étais tanné, j'étais comme non, il y a tellement de choses qui fonctionnent pas avec ce jeu-là là, que j'ai pas le goût de passer plus de temps dessus, fait que j'ai arrêté. Mais ils se sont très bien repris avec Turtles 2, The Arcade Game, et Turtles 3, The Manhattan Project. Et Turtles vraiment, 4, là. Tant qu'à y être, Turtles in Time. Oui. Et j'oserais même dire Turtles Tournament Fighter au Super NES. J'ai adoré ce jeu-là. J'ai pas joué la version. C'est un super bon jeu, Ninja Turtles, vraiment. Ouais. Là. C'est le pire. C'est vraiment le pire. Vraiment le pire là. Ben, il y a eu lui, puis il y a eu celui-là qui a été basé sur le film TMNT. Que moi j'avais critiqué à Monsieur Net là. C'était pas terrible. Puis, c'est plate, on est dû pour un bon jeu Ninja Turtles. Ben, un ça bon va film. Être, nos Chummers qui ont fait Batman Arkham City. Oui, Rocksteady, qui vont travailler sur un jeu. Rumeurs, fait que, ça serait bon. Malade. Ça serait bon, on verra. On verra bien. Fait que c'est ainsi que se terminait ce 22e épisode. Je pense qu'on a fait ça plus court que la dernière fois. Plus court, parce que là, je regarde, on est à 2 heures de matos et puis là-dessus, on a eu une entrevue. Oui. Donc, je pense que ça a du bon sens. Techniquement, on aurait peut-être 1h30 que ouais, c'est nous ça. Autres, après ça, une entrevue. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, le monde aime ça long. Ouais, c'est ça. Donc, mais moi, je te dirais que j'aime ça un petit peu plus court, par exemple. Moi aussi. Ouais, parce que les derniers, c'était cool, mais c'est ça, là. C'était vraiment beaucoup de stock là, qu'on couvrait. Beaucoup de stock puis beaucoup de travail aussi. Ça a été très long beaucoup à monter. Beaucoup de travail. Moi, ma chronique de Tomb Raider, là, je l'ai faite ben trop longue. Et puis le pire, c'est que j'ai coupé long. Puis coupé là, parce que c'était bien plus long. Donc, voilà. Vous êtes chanceux. Vous êtes bien chanceux. Fait que je vais essayer de faire ça plus court. Là. Ouais. En avant, puis on va s'ajuster. Là, dans le ben oui. Moi, j'aimerais que les épisodes rapetissent un petit brin. Ouais, moi aussi, évidemment, parce que 3 heures, c'est trop long, là, à mon avis. Là. Deux heures, c'est un bon timing. 2 heures, heure c'est et bon. Entre 1h30 et 2 heures. Qui dure à peu près 20 minutes, je pense. Donc, un petit 1h30, je pense que ça serait ouais. bien. Ouais. Ça nous permettrait aussi de ne pas se coucher trop tard. Ah, pas c'est être ça. Complètement détruit le lendemain au travail, c'est pas à négliger non plus. Comme ouais, là, on est détruit, puis on tombe sur le montage de tout ça. C'est clair. Ouais, fait que, en tout cas, sur ça, on va aller se coucher. Merci tout le monde. Merci tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine. Oui, yeah. Yeah. Bye.